n'entendrez jamais ça ailleurs. Le Star System sur Fun Radio. Toute copie est impossible. 0870-5000, la radio libre continue. Et comme chaque jeudi, ça ira jusque très tard dans la nuit, 3h du matin. Gérard n'étant pas là ce soir, on passe l'aspirateur dans les locaux de la radio. Comme quoi, voyez-vous, hein, y a pas d'heure pour être propre. Hein. Allô, Diallo ! Non, silencieux, merde. Oh, le pauvre, il est en train de passer l'aspirateur dans le couloir. C'est pas simple pour lui, n'est-ce pas, Stéphanie, 19 ans de Rennes. Ah bah, j'imagine, quoi. Ça doit être galère, quand même. Je disais que le... Oh, il est bien. Il préfère être avec nous, comme ça, on a un comité très réduit. C'est que dans l'équipe du Star System, on est bien vu et tout. On fume des pets et tout, c'est excellent. On se défonce et tout, on boit de l'alcool et tout. Bon, c'est très bon esprit. Et ce soir, donc, un best-of de Gérard, ça va commencer juste après toi, ma petite Steph. Donc, plus tu feras court, plus vite les gens qui sont fans de Gérard pourront apprécier les résumés des débats avec des remixes et même un inédit exclusif des remixes de Rigaud. Ah bah, donc, direct, j'ai la pression, alors. Ouais, je te dirais pas, ouais. Quoi, quoi, 1664, quoi. Une grande herbe. Oh, oh, oh, oh. Bon, alors, on y va, Steph. Bah, alors, voilà, en fait, je me suis engueulée avec mon mec hier. Et donc je lui ai dit que c'était fini, quoi. Mais ce matin... Pourquoi ça s'était terminé? Bah parce qu'en fait j'en avais marre, quoi. Parce qu'il dit que je suis Miss Catastrophe et que je casse tout sur mon passage, quoi. Alors j'en ai un aquarium et je vais tout péter, quoi, dedans. Donc ça l'a énervé, il t'a gueulé dessus, donc tu lui as dit que t'en avais ras le cul, quoi. Ah non, il m'a pas gueulé dessus, il gueule jamais, c'est toujours moi qui gueule. Mais enfin, c'est parce que je suis chiante. Ah, ça je veux bien le croire. Pourquoi tu veux bien le croire? Je plaisante. Et donc c'est de toi-même qui a décidé que ça s'arrêtait, alors ouais, c'est toi qui fais les conneries. Ça s'arrête, quoi, parce que je pensais que lui ça lui ferait du bien, etc. Et en fait ce matin... je suis revenue, quoi, et j'avais changé d'avis, quoi. Je voulais pas que ça s'arrête. Et... Oh, l'autre. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Ouais, j'ai changé d'avis. Finalement, je veux bien encore sortir avec toi. Je te plaque plus. On reprend tout depuis le début. Attends, je suis amoureuse, donc fatalement... pourquoi tu l'as plaqué? Parce que je suis genre coléreuse, et sur le moment, j'ai des trucs que je pense pas, quoi. Puis après, je m'en mords les doigts, quoi, fatalement. D'accord. Et donc, l'histoire et ce matin, j'étais le voir, et puis il m'a dit non, c'est trop tard, maintenant c'est fini. Quoi. Bah, il a sa fierté, attends, tu le plaques, tu lui casses son matos, et en plus, c'est toi qui gueules, et c'est toi qui t'en vas, c'est marrant. Mais en plus, alors après, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'ai dit pour l'instant, on est coloc, et en fait, on est en coloc depuis hier soir, quoi, et je ne le supporte absolument pas, quoi. Parce qu'il ne me touche pas, enfin, je sais pas, je peux pas l'embrasser, je peux pas lui tailler de pipe quand je veux, c'est chiant, quoi. Oh, l'autre, c'est comme elle parle, l'autre, je peux pas lui tailler de pipe quand je veux. Arrête, mais pourquoi faut toujours en rajouter? Tu peux, t'étais bien là, puis tu commences à te la jouer comme moi. Ouais, j'ai envie de lui tailler une pipe, il me touche pas, j'ai envie de lui bouffer le cul. Non, j'irai pas jusqu'à lui bouffer le cul, je suis pas scato. C'est pas une question d'escato que de bouffer le cul. Oh non, moi je bouffe pas le cul. Hein, bah, tu bouffes pas le cul, tu lui suces bien la bite, c'est bien par là qu'on pisse. Oui, mais à la rigueur, c'est pas de là que sort le sperme, enfin, c'est par là que sort le sperme. Oh là, je vais te dire des conneries, moi. Alors elle, mais elle croit que quand tu pleures c'est du sperme aussi, quoi. Bon allez, arrêtons de dire des conneries. Bon, le but de ton appel c'est quoi, Stéphanie? Et donc en fait, eh ben, je sais que toi, je suis sûre qu'il t'écoutera, quoi. Alors si genre tu dis ouais voilà, alors Steph t'aime, t'es son grand amour et je sais pas, enfin... Comment il s'appelle? Il s'appelle David. Bon David, méfie-toi parce que celle-là c'est une peste, hein. Apparemment elle a envie de te sucer tout et n'importe comment, donc ça veut dire qu'elle n'a aucun amour pour toi. Oh, espèce de connard, lui dis pas ça, comment tu crois qu'il va le prendre après? Elle m'a traité de connard, les gars. Bon, dialogue avec le... L'aspirateur là, allez. Allez, hop. Faut que tu ressortes avec elle. Voilà, c'est très bien. Comme ça va peut-être le pousser. En plus, il doit être dans sa voiture, il doit pas encore faire ses oreilles. Donc... C'est bon, t'es contente? Ouais, je suis très contente. Allez, salut. Non, mais à mon avis, ça va recommencer. Simplement qu'il a de l'amour propre, c'est normal. Le mec, il est vexé, il faut se mettre à sa place. C'est normal, mais n'importe qui. Je fais tout pour que ça reprenne. Ouais, mais c'est trop fou. Mais il s'imagine que dans un mois ou deux, ou trois mois, ça va recommencer. Donc, c'est sûr que je fais souvent des crises, quoi. Ouais, bah ouais, mais c'est pas cool, ça. C'est chiant quand on est conscient d'un problème et plutôt que d'essayer de le résoudre ou d'essayer de prendre sur soi. Ouais, et tu sais quoi, mais j'essaye de prendre sur moi, quoi. Mais je sais pas, il y a tout qui ressort au bout d'un moment, quoi. Bah ouais, bah c'est l'âge qui fait ça, c'est chiant, cet âge-là. Je t'ai dit, non, mais je vous adore, mais c'est chiant, à ce moment-là, on croit être femme alors qu'on est rien. Non, mais c'est vrai. J'ai jamais dit que j'étais une femme, alors là, loin de là. Et d'ailleurs, lui, il me le dit souvent que je suis pas une femme. Hein. Bon, bah t'as 19 ans, mais voilà, c'est des crises d'ado, c'est normal. Des crises d'ado. Bah ouais, je suis désolé, oh, 19 ans, 18 ans. Des crises d'ado. Oh là là là, ça y est, tu vois, on peut rien me dire non plus. Alors moi, on me dit en plein qu'on peut rien me dire non plus. La différence, c'est que c'est vous qui m'appelez, c'est pas moi qui vous appelle. Donc moi, je dis ce que je veux, pas vous. C'est vrai aussi. Oui. Bah oui, quelque part. Non, c'est mais vrai. Voilà, quoi, bon, que ça va venir. Non, mais de toute façon, je me fais pas de moron, quoi. Mais ça me fait chier, quoi, parce que je sais que toi, il t'écoutera, quoi. Alors que moi, il a absolument pas voulu m'écouter, quoi. D'accord, ok. Bah retourne avec elle, d'accord? Sois sympa, merci. C'est sympa. Bon, est-ce que tu connais bien Gérard? Oui, tu le détestes? Ah non, je l'adore, je trouve. Ah, parce que généralement, les filles ont tendance à pas tellement l'aimer, ou en tous les cas, à avoir les cheveux qui se dressent sur la tête au bout de 10 minutes, une fois qu'il a gueulé. Et bah là, vous allez être servis, parce que pendant 3 ans, mesdemoiselles, vous allez entendre probablement gueuler beaucoup, puisqu'on va vous offrir un best-of de Gérard, ce qui veut dire les remixes qui sont passés pour certains souvent, d'autres très peu souvent. Même un inédit de Rego qu'il a fait dans la journée. Donc bravo à lui, avec Olivier pendant son ordinateur et tout. Ils ont fait tout ça avec des scratchs. Donc là, effectivement, si vous êtes des fans collectionneurs de Gérard, il y a au moins une bonne raison de rester, c'est pour ce remix-là. Et j'ai choisi, Il y a aussi tous les habituels qui vont passer pendant ces trois heures, qui vont parler de Gérard sous forme de d'interviews, de biographies, de petits textes, de poèmes, de chansons, d'hommages, il y aura tout. C'est pas dommage, on est très contents. Des hommages. Ah, des hommages, oui. D'accord. Donc il y a plein d'inédits et j'ai sélectionné 8, 9 à 10 débats résumés en 9 à 13, 14 minutes, voire 17. C'est le premier qui va commencer. Celui-ci, pour moi, c'est probablement l'un des trois meilleurs débats que Gérard ait fait. Si Gérard n'est pas là ce soir, c'est non pas qu'il est malade ou que tout ça, c'est qu'il avait décidé de mettre un ultimatum et de pas venir ce soir. Donc, il n'est pas là ce soir et c'est vrai que des fois, ça fait des vacances que toutes les deux jours, il nous fait des crises hors antenne parce que vous n'entendez que ce qui se passe le jeudi, mais toute la semaine, c'est tout le temps continu. C'est possible qu'il ne soit pas là jeudi prochain du coup, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que lui qui décide de venir quand il a envie de venir. Donc c'est possible que la semaine prochaine il ne soit pas là non plus. Mais ce soir on avait décidé en tous les cas de vous offrir le meilleur de Gérard pendant 3 heures. Et on va commencer sans plus tarder avec le débat qui date d'il y a 15 jours. Un débat qui portait sur les maladies. Alors rassurez-vous, pas les maladies sur le cancer, le sida et tout ça. Maladies, la diarrhée, la chiasse, le Viagra, l'impuissance, etc. C'était là Stéphanie ? Oui. Voilà, et donc tu vas pouvoir balancer officiellement la nuit best-of spécial Gérard, je t'écoute. Eh ben voilà la nuit best-of Gérard. Non, c'est nul, je vais le faire. Et voici ouvert officiellement la nuit spéciale Gérard pendant 3 heures de la pure folie résumée sur les maladies. Tout de suite sur Fun Radio, écoutez. Les débats Fun Radio et pas d'insultes de Gérard. Et voilà, donc 2h07 toujours sur Fun Radio, donc c'est la deuxième partie du jeudi soir, disons maintenant on est vendredi. C'était bien ça, c'est quoi ? C'était Marie-Josée Pérec avec les cafards c'est meilleur chez soi, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000, 0870-5000, toujours 3615, Cap Fun Radio, rubrique directe, et sur l'internet, Rigo qui y est toujours, donc voilà. www.fr, Fun Radio, je sais plus quoi. / Fun Radio. Ouais, / Fun Radio, on était 1400, je sais plus combien. On a dépassé, on arrive à 1584,1. Oh là là là, bravo Gérard. Donc, combien j'ai cru mal entendre là. 1584,1. Ah d'accord, ah ben c'est pas mal. Alors, on va accueillir Potchambe, 21 ans, de Montluçon. On écoute Fun Radio sur 92.1. Bonsoir. Bonsoir. Javal, 24 ans, de Brest, 103.2. Ouais, salut. Girose, 20 ans... Cirose. Cirose, du foie. Ouais. 20 ans de Paris, 101.9. Bonsoir. Bonsoir. Je sens pas bon, je sais pas ce que c'est encore ça. Ouais, non, ouais, oh. C'est quand le matin tu t'habilles et que tu sors directement. Oh, quoi? Non. Hey, à 2h du matin, il est pas encore couché lui là? Il a quel âge? 12 ans. Oh, ouais. Hey, non, non, oh. Salut, salut. Non, non, ça va pas là, putain. Bah quoi? Ouais, bah j'ai le droit quand même, j'ai pas cours, je suis en vacances. C'est les vacances, Gérard. Ah ouais, bah attends, oh. C'est les vacances, salut, on peut. On écoute Fun Radio Gap 90.7. On écoute, ouais, pas de problème. S'il te plaît, demain. S'il te plaît, 22 ans de Dieppe, on écoute Fun Radio 100.1. Salut Gérard. Salut, répondez bien quand je parle, hein, surtout. Dites pas bonsoir quand on vous parle, hein, surtout. Bonsoir Gérard. Et oui, bonsoir de ouais. 17 ans, on écoute Fun Radio. Hein. Bah, j'habite en Belgique. À Boubon. À Bourbon. À Bourbon. À Bourlon. À Bourlon, pas Bourbon, à Broutille. Donc, alors, le débat, c'est sur la maladie. Les petites maladies. Y a une question, là, sur un sondage, encore, je me demande si c'est pas encore des petites conneries, ça. Non, celui-là, il est officiel, hein. C'est moi qui l'ai récupéré. Hop. Hop. Bon, hop. Excuse-moi, Gérard, à la place de je sens pas bon, on a Viagra, 27 ans de Boulogne. Alors, Viagra, bonsoir. Bonsoir. Il est au travail. Ouais. Salut, Viagra. Donc, moi, je voudrais témoigner de mon expérience. Non, mais tu retires tes doigts de tes narines, donc je te demanderai mieux. Je suis enrhumé, c'est sur les maladies, donc ça tombe très bien. Mm-hmm. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que, bon, la pilule Viagra vient d'être introduite en France. Non, non, mais attends, pour l'instant, tu vois, c'est pas, je suis pas encore arrivé à cette question-là, alors tu commences pas à jouer les gros caïds, hein. Ok, pas de problème. Ok, alors maintenant, je vais faire le petit sondage là qu'on m'a donné. Ouais.

Gérard, tu veux gérer les auditeurs quand même. Oh la vache, il est Fildar, il est par terre, il vient de se prendre un coup de feuille, toute sa batte. Ah, ce soir, il y a de l'ambiance. Bon, on va reprendre le thème. Ouais. Allez. Tu veux que ça l'éteigne ton micro ? Alors, arrête, c'est bon. Gérard, assis-toi, vas-y, laisse-le. Pose le bout. Gère ton débat. Il tape Fildar avec des bouts de cadeaux. Que vous pourriez plus rien gagner dans la journée. Gérard, arrête. Arrête, Philippe. Mais d'ailleurs, je vais l'éclater pour de bon. Moi, je vais laisser le débat terminer. Je vais laisser Rousseau maintenant. Je crois qu'on avait prévenu. Toi, ça avait prévenu avant, hein. Ouais. Je me perds un boulot comme il faut. Alors, tu as cherché le connard. Connard. Vite fait. Salut, ça va? J'avale. Ouais, bah déjà, moi, je vais te dire que le Viagra, ça m'intéresse parce que je suis atteint de mini-zobisme. Et je voudrais savoir, parce qu'apparemment, Viagra, là, il est dans le business. Ouais, yes. Et je voulais savoir s'il pouvait justement me businesser, me dealer 2-3 Viagra, là, parce que je suis en galère. Bah écoute, y a pas de problème. Bon, j'ai acheté de cartouche de vin. Non, mais moi, j'aimerais bien me faire mettre une cartouche en parlant de ça. Gérard, ton débat. Vas-y, mets tes auditeurs, s'il te plaît. Je commence à me faire chier, là. Hein. Salut, ça va? Bon, on va un disque, on va... Ah bah non, on peut pas non, tout de suite. Non, t'envoies. Gérard, je tiens à prendre dans le calme, on va reprendre dans le calme, t'inquiète pas. Sur l'IRC, il y a au moins 200 personnes qui sont parties suite au débordement de Fildar. Voilà. Merci, Fildar. C'est malin. Et on est plus que deux sur Minitel aussi. Un brouti, va. Combien sur... Plus que deux. Eh ben c'est bien. Donc oui. Écoute, Fildar vient juste me remettre à l'antenne à l'instant, donc j'ai pas entendu la question. Bon alors Fildar, c'est pas vrai, je te jure, j'ai pas touché aux touches. Fildar, tu vas dégager pour de bon, toi. Mais non, mais oui, réponds. Non, non, mais la semaine prochaine t'es plus dans l'équipe. Tu vires. Tu peux rester chez toi. Alors quatrième question. D'ailleurs, je pense qu'on va arrêter avant 3 heures à cause de Fildar. Hein. Si. Non, c'est vachement intéressant. Tu vas pas arrêter à cause de moi. Non, à cause de la merde que t'as foutue, tu vois. Ouais. Maintenant, sur RC, on était 1400. Maintenant, il n'y a plus personne. Bravo, Fildar, de tes conneries. On est quand même plus de 1000, ce qui est déjà très bien, Gérard. Non, ouais, mais tout à l'heure, on était à 1400. S'il n'avait pas déconné, on aurait été à plus de 1600. Là, Gérard, sur le 3615 Fun Radio, ça remonte vu qu'on est quand même à 47. Ouais, bah d'accord. Je leur ai dit ce qu'il fallait qu'ils fassent. Non, mais attends, le premier débat, il est potable, le deuxième, c'est de la merde, à cause de vous deux. Pour l'instant, il y a Crigo qui va chez Manu. Attendez, après le débat, on va discuter la semaine prochaine, je veux plus... Oh, j'ai rien fait, Gérard. Non, mais je veux pas le savoir, vous faites du boulot de merde. Droite, gauche. Alors, pâté de foie pour toi. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? L'éthique sont-ils des maladies qu'on peut avoir en automne? Non, c'est des petites bêtes que les chiens attrapent. Voilà, d'accord. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Soutif. Allô? Gérard, arrête de taper sur tout le monde, Gérard. Putain de merde! Non, c'est ma faute, excuse-moi. Non, Olivier, tu dégages. Gérard, pour revenir au débat... Enfin, on va faire un vrai débat. Il y a là, c'est de la merde, là. Et toi, t'as intérêt de bosser comme il faut, sinon t'en prends autant. D'accord. Bon, bah voilà, je l'ai raté. Bravo, Fildar. Merci, Fildar. L'auditeur qui a voulu poser la question sur c'est s'il te plaît, tu peux revenir, je te remercie. C'était Oxide si tu peux répéter. Reviens, voilà, tu connais l'adresse. Je l'ai. Alors, la politique des maladies gêne-t-elle les camionneurs qui jouent du synthé? Ça, je vois pas du tout le rapport avec les maladies. C'est pas grave. À la place de si Philippe, tu me prends quelqu'un d'autre? Bah, si Jean-Pierre, là. Fais gaffe, Pildar, parce que tu vas t'en prendre autant qu'Olivier. Alors, dernière question, parce qu'il est exécrable. Il est inconvenable. Oh là là. C'est horrible. C'est lamentable. Oula. Je sens que Fildar, tu vas t'en prendre une, hein. Mais c'est un débat constructif. Alors, l'acné, tu te calmes, toi, parce qu'avant que tu gerbes. J'ai amené mon rib. Et je sens que tout à l'heure, on va finir à 3 que 6. À 3 auditeurs au lieu de 6. Répète mal Zob. Attention, parce que je vais pas chercher tout à l'heure. Je vais virer au hasard. Ben non, il est là. Pas moi. Alors, l'acné est-elle une maladie? L'acné. La quenée. La quenelle. L'apostrophe ACNE. Bon, tu me dégages, MST. Allez hop. Comment tu fais? Non, pas déconner là-haut. J'ai pas le vaccin. L'acné, L'apostrophe ACNE. Sous-type?

on aura également Tony qui est déjà avec nous, 20 ans de Paris. Hein, Tony ? Ouais, salut Max. Un habitué des débats de Gérard. Ouais, tout à fait. Tu nous as préparé, en ce qui te concerne, une biographie sur Gérard. Ouais, je suis allé au commissariat de Suresnes, j'ai chopé le casier judiciaire et je vais vous raconter tout ça. D'accord, très bien. À venir quand même avant 3h du matin, le résumé du débat sur les obsédés, sur les ovnis, sur les routiers, le mariage, ainsi que un medley de 9 à 10 minutes sur les 3 ou 4 ultimatums que Gérard nous a donné sur les 3 ans d'antenne, puisque s'il n'est pas là ce soir, c'est parce qu'il a décidé de mettre un ultimatum et de bouder Fun Radio, de boycotter les débats de ce jeudi. Donc voilà, attention, parodie et ô combien bien faite sur le thème de Francis Cabrel, un auditeur de Bordeaux qu'on a fait venir spécialement à Paris, qui avait enregistré dans les studios de Fun Radio sa voix, son pesant de cacahuètes, et juste après les pots de DJ. Et on reviendra avec Tony pour la suite du best-of de Gérard sur Fun Radio. Dans tous les couloirs, et tu sens chaque fois que tu respires comme un de tes poumons qui se déchire, et ça pue le chien qui serait longtemps mort. Gérard est dans le coin, d'accord, d'accord. L'instant d'après, Gérard se déchaîne, il casse les auditeurs sur l'antenne. Êtes-vous pour ou contre la rentrée? Aimez-vous les manches longues en été? Pour les questions qu'on encore et encore, Gérard il est bon, d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber, encore un fax à la FP. Il paraît que Gérard fait des soirées, et pour se faire un max de pognon, il dit rien à Max, son patron. Les mêmes poèmes, 10 fois trop lourds. Gérard, tu commences à déconner. Faudrait penser à te renouveler. Et puis les nanas, tu t'en feras pas. Ou alors ça sera que des gros tas. D'ailleurs, en parlant de gros tas, quelque chose vient de tomber. C'est Christine qui traverse le plancher. C'est toujours la même fille qui passe. T'as quitté cette connasse, tu te branles souvent, tu te branles. Faudrait que t'arrives à en parler au passé, faudrait que t'arrives à te sauter des nanas, faudrait aussi penser à te laver. Dis-toi aussi que si tu sentais pas l'agnole, et que si t'avais pas la gueule que t'as, peut-être bien que t'aurais gardé Carole. Elle serait encore avec toi. Alors dans le bois de Boulogne, tu te mets beaucoup d'eau de Cologne. Tu es à la recherche d'un amant qui te fera passer un bon moment. Et ça continue encore et encore dans ton trou du cul, d'accord, d'accord. Si parfois t'entends des échos dans les chiottes de la loco, c'est sûrement Gérard qui se fait mettre. Et si tu veux qu'un jour il te drague, tu lui écris un homo mag. Homo mag. Ou alors tu peux le contacter au numéro que je vais te donner. 06 57 82 21 80. Les débats. Pas de radio pas d'insultes. De Gérard. Gérard qui n'est pas là ce soir, il a décidé de mettre un ultimatum jusqu'à nouvel ordre. Donc ce soir, nous vous offrons le meilleur de Gérard avec des résumés. On a entendu celui des maladies qui a eu il y a 15 jours. Avenir, résumé sur le débat des obsédés, des ovnis, des routiers, sur le mariage. Et également un medley des ultimatums. Parce que si vous ne savez pas ce que c'est qu'un ultimatum, bah Gérard vous expliquera ce que c'est grâce aux 4 ultimatums qu'il a déjà donné. Je crois que celui qu'il a mis ce soir, c'est le 5e hein, quand même. Sauf que celui-ci, il l'a mis véritablement en action, et d'ailleurs on en est ravis. Tony est avec nous, 20 ans de Paris. Oui, rebonsoir. Rebonsoir Tony, tu vas donc maintenant nous faire une biographie de notre ami Gérard de Suresnes. Oui, tout à fait. J'ai fait donc moi... là, c'est une exclue déjà. Ouais, j'ai fait ma petite enquête, donc je vais vous raconter. Donc, fils de père, de mère et de sexe inconnu, Gérard est né le 17 juin 1960. L'enfant prodigue, conçu pendant une cuite, est mis bas dans une étable près de Suresnes, entre la fiente d'un âne et la bouse d'un bœuf. Le divin enfant est né. Plus tard, son parcours scolaire est catastrophique. En maternelle, il tombe dans le coma parce qu'il mange toute la pâte à modeler de ses petits camarades. En primaire, ses dérives sexuelles, qui vont de touche pipi à Pouscaca en passant par Mange-Morpion, lui valent de faire de la prison très jeune. C'est là qu'il s'adonne pour la première fois à la sodomie avec Mamadou, son compagnon de cellule. En mai 68, alors qu'il n'a que 8 ans, il se bat aux côtés des CRS contre les étudiants. Ces derniers le prennent pour cible et lui balancent un maximum de pavés dans la gueule. Très touché physiquement et moralement, il ne sera plus jamais le même. En CM2, il se fait virer de son établissement scolaire pour avoir voulu violer la mascotte de la classe. Un charmant petit cochon d'Inde, répondant au doux nom de Christine. Mise c'est à faux, la marge... c'est pas possible, c'est faux. Si, tout ça c'est vrai. Ah bon t'inquiète. Ah ouais, non, je te promets. Mise à la marge de la société, il décide de s'engager dans la Légion étrangère. Gérard y passe son permis poids lourd et y attrape des tas de maladies sexuelles tropicales. De retour en France, il fait plusieurs petits métiers. Branleur de taureau en Camargue. Branleur de taureau en Camargue. Cobaye médical à l'Institut Pasteur de Paris. Ouais. Et se prostitue pour acheter les disques d'Hervé Villard, son chanteur préféré. À 25 ans, c'est le début de sa puberté et la bête se réveille. La première expérience sexuelle de l'homme au kyste a lieu sous un rocher au bois de Boulogne avec Rodrigo, l'un des trois sangliers qui vivait en captivité dans le bois à l'époque. Ouais. Selon la SPA, il serait responsable de l'extinction de l'espèce suite à ses viols répétés sur les mammifères. N'importe quoi. Malgré cela, Gérard n'est pas heureux dans la vie. Son but est d'avoir un gros camion qui fait tut-tut avec une grosse cibie dedans et d'être patineur professionnel. Il assouvira ses deux passions d'un coup en 93 suite à un triple axel sur une plaque de verglas. En 94, alors qu'il est au plus bas, il débarque sur l'antenne de Fun Radio dans l'émission de Max et il gratifie les auditeurs de ses inspirations poétiques. Ça tape quand même. En 95, il se lance dans la carrière d'animateur radio avec ses débats qui ont lieu tous les jeudis soirs sur l'antenne de Fun. Il devient alors une star internationalement connue. Il est harcelé par les auditeurs et les médias. Ça, c'est vrai. Sur son tatou, sur son portable et même sur Internet. Il fait les premières pages d'Homo Mag et du Connard Déchaîné. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce clodo. Donc, non, dis pas ça quand même. T'es méchant parce que. Je sais bien, il faut le dire parce que le pauvre, il écoute ce soir. Je sais qu'en même temps, il est très fier de savoir que malgré son absence, on est obligé de faire un best-of tellement que cet homme-là est devenu vénéré tous les jeudis. Donc on s'est dit, on va rien faire. Et puis on s'est dit, on est obligé de faire un best-of. Comme ça permet aux gens qui le connaissent depuis peu de le redécouvrir. Maintenant, bien entendu, tout ce que tu as dit n'était que du deuxième degré. Il est évident qu'il n'a pas eu de rapport sexuel avec des animaux au même titre qu'il n'a jamais mangé de pâte à modeler quand il était en maternelle, vu qu'il n'est jamais allé à l'école. Ça reste à prouver quand même. Bon, Tony, mis à part ça. Bah, ça va, tranquillement. Hein. Ce que je vais te proposer tout de suite, parce que comme on le disait avant que tu n'interviennes et en début d'émission, le fait que Gérard ne soit pas là ce soir, c'est qu'il a décidé en début de semaine, sans que j'en sois au courant, en direct à la radio, de mettre un ultimatum, parce qu'il reçoit des couilles sur lui. Qu'est-ce qu'un ultimatum? C'est ce que vous allez savoir maintenant. Un ultimatum, c'est donc quand on décide, à partir d'une certaine date, de ne plus faire quelque chose. Et donc, Gérard a décidé que jusqu'à nouvel ordre, il ne viendrait plus faire ses débats le jeudi, jusqu'à ce qu'on arrête de lui envoyer du courrier chez lui. En même temps, je le comprends. Ce que je te propose maintenant, Tony, et surtout à vous tous qui nous écoutez, si vous ne l'avez encore jamais entendu, ce sont les 3 ou 4 ultimatums qui ont été donnés par Gérard depuis ces 3 dernières années. Medley, le meilleur reste à venir, best-of de Gérard ce soir, jusqu'à 3h du matin, c'est dans le Star System sur Fun Radio avec le medley des ultimatums. Et juste après, il y aura le remix exclu que Rigo nous a fait aujourd'hui sur Fun Radio. À tout de suite. Quel est le problème, Corinne? Voilà, le problème, c'est qu'il est plutôt grave, parce que moi, j'ai entendu dire... Il est très très grave, le problème. Qui se vendait sur le Vieux-Port des remixes de Gérard au prix de 100 et quelques francs, je crois plutôt 100 francs pile. Et ça se vend Parce qu'il paraît que, on peut le dire, Corinne, t'étais dans une discothèque tout à l'heure sur Marseille, la plus grosse discothèque, et paraît discothèque de Marseille. Et paraît qu'ils ont passé 2-3 fois le remix de Gérard dans la boîte. Ils ont passé exactement combien de fois, Audrey, tu vas m'aider? Ils ont passé 4 fois le remix fois, de Gérard. Non. Sur la discothèque, c'est simple. On va s'adresser à tous les DJ de France. Bon, c'est simple, c'est clair et net, ça va aller vite. Je préviens à toute personne. Et là, je m'adresse à tout le monde. Et au DJ. Hein. Donc, je préviens à toute personne. La prochaine fois que je reçois un courrier en me disant comme quoi qu'un remix s'est passé, ça se termine au tribunal. Avis aux amateurs. Ah, ça calme. Bravo, donc envoyez des lettres. Oh, non, mais bravo.

Maintenant qu'on est lancé, sur les soirées. Je voudrais savoir pourquoi les gens aussi maintenant en Belgique se mettent effectivement à organiser des soirées bidons. Il y a eu sur l'internet une tournée de 4 dates dans les villes de Liège, de Namur, de Charleroi et de Bruxelles. Le 13 qui était à Liège, le 14 à Namur. Il y a eu le 15, il y a des soirées cybertrans au Carré d'As à Charleroi qui est une boîte de cul qui peut regrouper plus de 1000 personnes. Au lieu de faire des PAX, envoyez les originaux, ça vaudra mieux. Parce que pour l'instant, avec des fax, on peut faire ce qu'on veut. Hein. C'est bizarre, là. Il y a un petit branleur là, sur Minitel ou au Standard qui avait été dire « Ouais, on voyait Gérard sur 3668 et dès qu'on y a demandé des preuves par A plus B, on les attend encore. » Alors, vous êtes bien gentil quand vous dites des conneries sur mon compte. Eh ben, envoyez les preuves, mais réelles, pas des fax ou des merdes. Envoyez au moins le numéro de compte, que je puisse mettre de l'argent dessus. Non, mais envoyez les preuves, ça vaudra mieux. Mais pas des fax, parce que je peux les falsifier. On peut falsifier n'importe quoi. Tu te dis, c'est une preuve juridique, hein. Tu peux très bien venir en procès avec ça. Hein. Manière, on verra bien. Donc, pour jeudi, de manière, je maintiens ce que je viens de dire. Donc, le débat sur les râteaux. Non, mais il n'y en a pas. Donc, jeudi, tu... Non. Non, ben, jeudi... Non, jeudi, tu Allez, feras... Gérard, quoi, merde. Non, tu feras ton émission jusqu'au bout. Oh, non, Gérard, quand même, merde. Non, je veux pas le savoir, c'est pas la peine d'assister. Oh, mais, Gérard, il est hors de question que je continue comme ça. Non, mais attends, Gérard, bon... Monsieur, excusez-moi, écoutez-moi, monsieur Gérard. Non, je veux pas le savoir, c'est tout. Mais il est pas... hors de question. Mais tu fais plaisir à une minorité qui font ça, je la majorité pas des... Je veux savoir. La majorité des nanas qui t'écoutent. Parce que j'en ai rien à foutre de la majorité des nanas, maintenant. Je laisse tout tomber. Parce que regarde, Gérard. Non, mais d'accord, mais qu'est-ce que tu fais pour les gens qui, eux, ne font pas ça, qui envoient pas, qui font eh pas ben, des... tant pis pour eux. Au respect que je dois à tout le monde, même aux auditeurs, que vous venez pas me casser les couilles avec vos poèmes. Maintenant, il n'y aura plus rien. Donc, jeudi, il n'y a pas de débat. Terminé. Oh non, allez. Non, mais c'est tout. Non, mais Gérard, non, mais on... Non, de toute manière, c'est pas la seule. Mais faut se mettre à la place des mecs, tu leur piques leur nana. Mais même, c'est pas la peine d'insister, c'est clair et net, jeudi, il n'y a rien du tout. Il n'y aura plus rien. Point final à la ligne. Voilà, c'est clair et net. Donc l'ultimatum est passé. Maintenant, c'est terminé, j'arrête tout. Bon, de toute manière, on va voir comment qu'on va faire, mais tu vois, ce que tu me demandes, c'est dur, hein. Ah, mais c'est si. Mais c'est pas toi que je parle, abruti. Pardon. Donc vous avez encore une semaine à vous tenir à carreau. Ouais. Sinon... Ça c'est simple, jeudi prochain, il n'y a rien. Voilà, il n'y aura pas de débat. Mais Gérard, est-ce que tu pourrais faire un remix de ton remix à l'antenne en direct? On est Hé, connard, j'aime pas qu'on me coupe la parole. Donc je préviens qu'au 13 mars, vous avez exactement 15 jours pour arrêter vos conneries. Pour l'instant, pendant 15 jours, eh ben, moi je vais me prendre 15 jours de vacances. Pendant 15 jours, là. Voilà, exactement. Donc, les gens sur Minitel et puis au sol, maintenant, voilà, c'est plus la peine d'appeler. Le Minitel, s'arrête pas, là. C'est genre, Gérard ne nous quitte pas, Gérard... Ah ben, tant pis. Dans ce cas-là, les gens, ils remercieront ceux qui font des conneries sur mon dos. Voilà, exactement. Gérard, dans Star System, c'est ça. Il était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. C'est le best-of de Gérard ce soir dans la radio libre de Fun Radio jusqu'à 3h du matin, puisque Gérard a décidé de mettre en action ce que vous avez entendu à plusieurs reprises sur l'antenne en 3 ans, c'est-à-dire un ultimatum. Et Gérard, qui a écouté apparemment ce qui se passait, a appelé dans le bureau et menace maintenant un ultimatum d'un mois. Donc on a des nouvelles concernant Gérard qui nous écoute probablement. Bah écoute Gérard, voici en exclusivité maintenant, grâce à Olivier de la production et à Rigo, eh bien un remix qui n'est jamais passé puisqu'il a été fait aujourd'hui dans les studios. Et ensuite on ira du côté de Laurent Garnier avec Colored City et on retrouvera, je crois, Mégane et puis Thierry de la Sécu qui feront également un hommage à Gérard de Suresnes et puis à venir également, pour ceux qui veulent tout savoir de ce programme de cette nuit, le résumé du débat sur les obsédés. Mais dans les médias, remix exclusif de Rigo et d'Olivier de la Pro. Bon, c'est simple, c'est clair et net, ça va aller vite. Je préviens toute personne. Et là, je m'adresse à tout le monde. Et au DJ. Hein. Donc, je préviens toute personne. La prochaine fois que je reçois un courrier en me disant comme quoi qu'un remix s'est passé, ça se termine au tribunal. Allez, on y va, on monte le son. Je veux que ça pète là maintenant. Allez, on y va, on monte le son. Je veux que ça pète là maintenant. Allez, on y va, on monte le son. Je veux que ça pète là maintenant. Allez-y, tout le monde danser. Allez, on y va, on monte le son. Je veux que ça pète. Allez, on fait péter les enceintes là. Et on y va, même les lumières. Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Vous la fermez. c'est Luigi. Bon, ça y est. Allez, on y va, on monte le son. Je veux que ça pète là maintenant. Allez, on y va, on monte le son. Je veux que ça pète là maintenant. Allez-y, tout le monde. Allez, on y va, on monte le son. Je veux que ça pète là maintenant. Allez-y. Allez, on y va, on monte le son. Je veux que ça pète. Allez. Je sens pas bon ce que c'est encore ça. Ouais, non, oh. C'est quand le matin tu t'habilles et que tu sors directement. À 2h du matin, il est pas encore couché lui là. Il a quel âge? 12 ans. Ça va pas, non, putain. Je veux que ça pète. Eh, hey, c'est vrai. Oui. Est-ce que tu prends du gras, toi? Non. Toi, non, il a déjà du gras à la maison. Allez, on y va, on monte le son. Allez, ça pète. Allez, on y va, on monte le son. Je veux que ça pète là maintenant, allez-y. Allez, on y va, on monte le son. Je veux que ça pète là maintenant. Allez, on y va, on monte le son. Je veux que ça pète, allez, on fait péter les enceintes là. Et on y va, même les lumières. Je veux que ça pète là maintenant, allez-y, tout le monde danse. Allez, allez, on y va, on tape dans ce monde. Les débats, pas de radio et pas d'insultes de Gérard. Avec ce soir le best-of, le meilleur de Gérard. Enfin une partie du meilleur avec des remixes, des exclus, des résumés de débats avec à venir celui des obsédés et également un autre remix. Mais avant cela, un hommage également au 0800 70 5000. Mégane est avec nous et Thierry de la Sécu de Fun Radio, ex-Sécu. Ça va Thierry? Ça va Max. Ça va Mégane? Ça va bien. Ça va bien Mégane? Ça va, ouais. Bon, en forme. Ça fait des vacances quelque part, hein? Ouais, un peu, ouais. Un petit peu. Alors donc toi, Mégane, tu veux faire un hommage à GG? Un peu, ouais aussi. Ouais. Un peu, alors on t'écoute, c'est parti. Bon, ben j'y vais. Donc c'était un hommage à Gérard, quand même, qui depuis 3 ans fonctionne jeudi soir par des débats des plus intellectuels. Il est vrai. Allant de la politique à la mode, en passant par les routiers alcooliques ou les synthétiseurs. Mmh. Donc grâce à Gérard, plus aucun sujet n'a secret pour nous, puisque Gérard a un avis sur tout et que de toute façon, il sait tout sur tout. C'est pas faux. C'est vrai. Mais Gérard n'est pas qu'un cerveau, c'est aussi un physique. Mmh. Quel physique ? Son sourire en clavier de piano auquel il manque des touches, ses cheveux gominés de chez le sieur, et cette odeur corporelle de transpi qui ferait dégueuler une hyène. Gérard, c'est aussi le talent, à l'état pur. C'est vrai. Quand il annonce les disques en anglais, par exemple, qui fait mouiller de plaisir Anne Joël, dont il serait l'amant. J'ai des preuves. Gérard, c'est aussi la passion, en particulier celle des camions. Ouais. Passion qui date de sa première sodomie dans la couchette de la cabine du gros René. Tandis les camions, Gérard est un fanat de poids lourd, quoi. Gérard, c'est aussi un phénomène de société. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que ce mec-là a beaucoup apporté pour le monde de la radio. Ouais. Exact, mais pas que pour le monde de la radio, puisque l'Académie française s'interroge désormais sur la réelle utilité du L entre le B et le E. Oui, c'est vrai que ça sert parce qu'on dit souvent portable, inadmissible. Voilà. Ça va rentrer directement dans l'Académie française et que on serait obligé, on ne dira plus. Oui. Donc ça va suivre. Donc voilà, cet hommage est terminé, c'était pas très long. Mais c'était très bien, parce que ça résume un peu l'histoire de Gérard. C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures, on pourrait faire au même titre qu'on l'a fait sur Jean Cocteau et Jean Marais, mais bon, Gérard est encore avec nous, et je sais qu'on a encore des semaines et des semaines à vivre avec lui, des années, tant mieux ma foi, même si on a appris tout à l'heure que l'ultimatum pouvait être encore allongé de 15 jours supplémentaires et durer un mois. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on aura l'occasion de le revoir. Pour l'instant, il n'est pas là, mais je sais qu'il est de l'autre côté de la radio et de tout cœur avec nous dans son best-of ce soir. Thierry, donc, de la Sécu, qui, bien sûr, a bercé les nuits ô combien sympathiques et qui, donc, connaît très bien Gérard de très près, puisque tu as suivi, tout comme nous, les furies, les folies, les colères de Gérard. Tu as souvent dû, d'ailleurs, le calmer toi-même. Ah, c'était pas triste. Alors, je sais que tu as des souvenirs concernant Gérard à l'accueil. Qu'est-ce que tu peux nous raconter, d'abord, Thierry? La toute première fois où je l'ai vu, c'était assez hallucinant. Moi, je me souviens, tu avais appelé les flics. Ouais, parce que j'ai écouté, il y a un rôdeur, moi je suis de la Sécu Fun, il faut absolument que vous veniez. Ah, la radio est menacée, il y a un gars bizarre avec une moustache, une barbe et une veste de trappeur. Ouais. Qui tourne, qui colle son nez à la vitrine, qui essaie de regarder, qui essaie de rentrer, et qui dit ouais, je connais Max, je vais faire des émissions avec lui. Et on l'a pris pour un fou, le pauvre a été embarqué, il est allé au commissariat de Neuilly. Ouais. Et il a fallu qu'on aille témoigner qu'en fait c'était vraiment le vrai Gérard, parce qu'en même temps il y avait eu un auditeur qui se vous est passé pour le faux Gérard. Oui, c'est à la fois où on a douté de son identité. Voilà, je m'en souviens, il était venu dans les studios et pendant 48 heures, le pauvre avait douté de son identité parce que nous-mêmes, on pensait que c'était simplement un imposteur, alors que par contre, c'était le vrai Gérard. Exactement. Est-ce qu'il y a réellement, Thierry, un souvenir, un ou deux? Qu'est-ce qui te... Bon, on a l'impression qu'il est mort, le Gérard. C'est hallucinant, on a l'impression qu'il ne reviendra plus, qu'il est mort. C'est trop à ça que je pensais. Ah ouais, non, mais alors qu'en fin de compte, il est toujours là. Mais quels sont les souvenirs que tu as eus? Parce qu'on va dire qu'à cause de cette soirée, on va remettre un peu les compteurs à zéro. Donc, ces trois premières années, ça fait combien? 3 ans quasiment. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu de fort chez Gérard? Quels sont les moments? Est-ce que tu te souviens d'un, je sais pas, peut-être un moment donné précis d'une soirée? Alors, il y avait eu une envolée spectaculaire le soir où il a passé son brevet de pilote dans le couloir de l'antenne en bas. Il était dans le studio et puis je sais plus, on était en train de le charrier, mais gentiment. C'était l'été, il faisait très très chaud, il était en tongs, en t-shirt et en méga short. Ouais. Et je crois que c'est Sildar qui, comme d'habitude, jouait les paratonnerres. Ouais. Donc GG est parti comme une balle derrière lui, en courant comme un fou. Manque de bol, les dalles en bas étant pas vraiment bien ajustées, il y en a une qui dépassait d'un bon centimètre. Comme il avait les tongs au pied qui commençaient à piquer un bon sprint, et ben, il y a une tongue qui a raccroché dans la dalle. Gérard est parti sur le ventre, en fait comme un Concorde qui atterrirait sur les trains d'atterrissage. Ouais. Et on a retrouvé une tongue au niveau de la machine à boisson, une dans le studio de prod d'Olivier. Et Gérard était vraiment presque dans le coma. Quoi. On a fait venir encore un SAMU. C'était encore une histoire de folie. Nous, on s'est fait engueuler, blessé. C'était très grave. Et sinon, tu te souviens, sinon à l'accueil quand il attendait ou quand il y a eu des fois des engueulades qu'on a eues quand il a quitté les studios ou des discours que je sais pas, il y a quelque chose que tu pourrais qui t'a marqué particulièrement sur Gérard? Une fois, ça c'est du vécu et du vrai, c'était assez marrant. Ah, c'était vrai, ceci dit, la tongue, hein, quand il a couru, toi t'as rajouté, mais c'est vrai qu'il s'est cassé la gueule en tongue, je m'en souviens, il courait et c'est vautré la gueule, ouais. Ah, il y avait un truc extraordinaire, il s'était emballé comme d'habitude, et il était sorti, mais comme une balle du studio, il était remonté, et moi j'avais caché la commande d'ouverture du SAS pour pas qu'il puisse sortir, ouais. Ouais, il a cherché partout. Et puisque c'est comme ça, il y en a marre. Il a pris sa mallette, la sacro-sainte mallette. Ouais, la fameuse mallette avec tous les autocollants fun. Avec tous les autocollants fun, il a tout arraché. Bon, maintenant, c'est fini, il y en a marre, j'arrête tout. Il arrache les autocollants, il fume 2 ou 3 paquets de cigarettes histoire de se rétablir et de se calmer. Ouais. Il redescend, il remonte chercher 2-3 cartouches pour refumer entre 2 cafés. Ouais. Et là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas ma mallette. Ma mallette, moi, il y a des autocollants fun. Et il se souvenait pas du tout que 10 minutes avant il avait tout arraché, il avait fait voler la mallette à travers le hall. Ah oui, non mais c'est du Gérard, je connaissais pas, j'avais jamais entendu parler de cette anecdote, et donc il a pensé qu'on lui avait arraché les autocollants, qu'on lui avait inversé les mallettes. Ouais, tout à fait. Ah oui, d'accord. Et il pensait encore que c'était le faux GG qu'on avait fait rentrer, qui avait amené une fausse mallette. Oh là là là là là. Et nous on était idiots parce qu'on aurait dû la reconnaître et il y avait pas d'autocollant, donc on lui a dit il y a encore une magouille avec le faux GG, quoi. Ah là, carrément. Ça c'est des moments. Bon, Gérard, je pense, hein, il nous reviendra un jour. Bon, il a menacé ce soir d'aller voir le CSA. Non, il va aller voir comment il s'appelle. Qu'est-ce que tu dis, Mégane? Je dis, il va revenir. Hein. Mais oui, il va revenir, bien sûr. Et en plus, c'est bien, il va aller voir le CSA parce qu'on fait un best-of sur lui. Donc, encore, il a de la chance qu'on le paye parce que normalement, il devrait pas être payé ce soir vu qu'il a décidé de pas venir. Normalement, c'est une faute professionnelle, donc il a bien de la chance. On est vraiment gentleman. Mais bon, ça nous permet de redécouvrir le Gérard comme il l'a été depuis 3 ans, de réécouter des moments absolument fabuleux et puis. Ça permet à tous ceux qui n'ont pas suivi depuis le début maintenant de tout savoir sur la vie de Gérard. Merci beaucoup Thierry, en tous les cas. Ben, c'est moi, Max. Au plaisir, hein, à bientôt. J'espère que tu viendras nous rendre une petite visite dans les locaux bientôt. Si tu nous invites, il n'y a pas de problème. Ben, bien sûr, il n'y a pas besoin qu'on vous appelle pour que vous puissiez venir. Non, avec Engie, vous venez quand vous voulez, absolument. Non, d'accord. Tu parlais d'Engie, Thierry, parce que si tu nous invites, je croyais que tu avais une petite, moi. Je pensais tout d'abord effectivement à Engie, que je salue et je pense à lui ce soir. Et on a des nouvelles de Coralie quand même, qui en ce moment, elle est chaude comme la braise avec le Christian de la Salle Saint-Cloud. Hein. Méfie-toi, hein, parce qu'on est en train. Tu la vois encore, la Coralie? Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai aucune chance contre Christian de la Salle Saint-Cloud. C'est absolument déloyal. C'est vrai. Quoique, je pourrais peut-être t'inviter pour faire un débat avec Christian, toi. Ah. Hein? Faut voir. Faut voir. Parce que jeudi prochain, Gérard risque de pas être là de nouveau, donc on risque d'avoir Christian. Donc si tu veux te prêter au jeu, je sais pas si tu travailles jeudi prochain. Mais je le sais pas encore. Eh ben écoute, l'invitation est lancée, Thierry. Hein. Pas de problème. mais j'y répondrai si je peux, Max. Merci Mégane, en tous les cas. Je t'en prie. Et puis à très bientôt. À bientôt. Attention, la fête n'est pas terminée. Résumé du meilleur de Gérard depuis ses 3 ans sur l'antenne de Fun Radio. Il est 1h du matin, on est là jusqu'à 3h, même si Gérard ne sera pas là ce soir. Goldo est dans les parages. Salut Goldo. Ouais, salut Francky. Un petit peu plus tard dans la nuit, tu vas nous faire, parce que tu as fait ça pendant une bonne période avant les débats de Gérard, ce que ouais. tu faisais, c'était les statistiques des débats de la semaine d'avant. Ouais, tout à fait, ouais. Tu nous disais le nombre d'insultes qu'il y a eu la semaine d'avant et savoir si des scores allaient être battus. Ouais, c'est ça. Est-ce que très honnêtement, tu as gardé les statistiques de tout ce que tu avais fait ? Ben, j'en ai gardé pas mal. Écoute, là, j'ai réussi à remettre la main sur 16 semaines de statistiques, c'est-à-dire à peu près 4 mois, quoi. Voilà, donc vous allez avoir un résumé non pas sur les 3 ans de Gérard, mais sur en l'espace de 4 mois, combien d'insultes Gérard peut donner en 4 mois voilà. et les détails, c'est-à-dire combien de bombins, combien de ta gueule, va te faire enculer, tu dégages. Enfin, vous allez avoir la totale sur Gérard et il y aura une deuxième partie que tu consacres à Gérard également, mais cette fois-ci, ça portera sur. Eh ben, les GG Boutique, donc, étant tous production, ont sorti un petit best-of de ce qui nous avait présenté à l'époque, c'est-à-dire, tu sais, les GG fantasmes déguisés où Gérard se proposait de venir à domicile. Exact, hein, je m'en souviens, c'est toi qui faisais voilà. ça. Ah oui, c'était fabuleux. T'as ouais. tout gardé ? Ouais, ouais, ouais. Oh, bah alors, grand moment. Alors, oh, bah alors là, moi, je m'en souviens, qu'est-ce que j'ai pu me marrer lorsque Goldo nous disait ça. Donc, vous ne bougez surtout pas. Il n'est pas question de mettre de la publicité ce soir, comme chaque nuit d'ailleurs, rien du tout, puisque c'est la radio libre. Et on va vous offrir tout de suite le résumé d'un débat sur les obsédés. Alors, attention, maintenant, on va monter un petit peu plus au créneau. C'est à l'époque où il y avait encore Fun TV qui filmait tout ce qui se passait dans le studio. C'est pour ça que vous entendrez probablement dégage avec ta caméra parce qu'il y avait un certain Cyril, dit l'alligator, qui s'approchait énormément de lui à 3-4 cm de son visage avec une caméra portable et ça finissait toujours très très trash. Suite à ce résumé sur les obsédés, on aura le droit à un remix et ensuite on retrouvera Goldo pour la première partie des statistiques, de la musique et ensuite on ira vers d'autres résumés de débat. C'est la radio libre spéciale Gérard jusqu'à 3h du matin sur Fun Radio. Donc on va accueillir Julien, 19 ans de Aix-en-Provence. Bonsoir. Bonsoir. Attends, pour, Alpha, pour l'instant, je t'ai pas sonné, donc tu vas attendre ton tour, s'il te plaît, merci. Bonsoir, Alpha. Céline, 22 ans, Bordeaux, bonsoir. Bonsoir, salut, Céline. Salut tout le monde. Salut. Sarah. Salut, Sarah. Alpha. Bonsoir, bonsoir Alpha. Bonsoir. Bon, on va attaquer le deuxième débat. Ok. J'ai deux voix. Pensez-vous que tous les hommes sont obsédés ? C'est la petite souris ? Ouais, je t'écoute. Alors, moi je pense que non. Mais non, il y a juste Gérard qui est un obsédé. Pour la simple et bonne raison que, bon, on peut pas les mettre tous dans le même panier. Mmh. Hein c'est comme dans la vie, il y a des bons, il y a des moins bons, quoi. Mmh. Ouais, bah, celui qui rote, tu te calmes parce que tout à l'heure tu vas retourner au standard vite fait, bien fait. Je l'ai même fait. Oui. Ah, non, mais ça va pas recommencer là. Bon, allez, encore, moi j'arrête. Mais je sais pas, il y a un problème. Non, mais il arrête avec sa caméra maintenant. Je vais pas la prendre toute la semaine dans la gueule. Bon, on va commencer par. Par Gérard. On va commencer par Julia. Oui, Gérard. Oui, moi je suis obsédée par toi d'ailleurs. Ça me pose beaucoup de problèmes dans ma vie sentimentale. Mmh. On voit que tu l'as pas vu, hein. C'est un vieux porc, lui. Bah alors, attends, tu sais ce qu'il dit, le vieux porc ? C'est un vieux cochon qui pense qu'à se demiser les gars dans les chiottes de la loco. Alors, tu dégages. Et bonne nuit. Bon, alors, Alpha Arnaud, bonne nuit. C'est Arnaud, j'ai rien dit. Alpha Arnaud, bonne nuit. Super. Bagale ! Mais tu sais, pas la fermer ta grosse gueule, Samy. Alpha ou Arnaud, vous dégagez. Bonne nuit. Sarah. Gérard, la censure a sorti. Ta gueule. Putain. Et vous commencez à me les casser, les mecs, hein. Bah t'as rien, qu'est-ce que tu veux qu'on casse? Ta gueule, connard. Bon, alors, la deuxième question. À quoi reconnaît-on un homme obsédé? Arnaud. Et Arnaud Delour. Arnaud, t'en verras. Non, mais il arrête avec la caméra, je l'ai dit tout à l'heure. Bon, allez hop, je vais mettre le disque. Allez hop. Non. Le disque, c'est les slips, c'est cher avec slip. Stop! À quoi reconnaît-on un homme obsédé? Alors, maintenant, pour l'instant, c'est moi qui pose la question et vous allez vous la permettre. C'est moi qui demande à qui je veux que ça parle. Alors, c'est Julia. Oui. À toi de répondre. Eh ben, j'en sais rien, il a des yeux grands ouverts, injectés de sang et se regarde. Bah, c'est de regard, et voilà, c'est ça un homme obsédé. D'accord. Non, non, mais de toute manière, je vous dirai si je suis obsédé ou pas. Mais bien sûr que tu es obsédé. Donc Céline. On sait que tu l'es. À son compte, on connaît déjà la réponse à ça. Bon, allez, Arnaud et Alpha, vous dégagez. C'est non, moi, j'ai rien fait, Gérard. Non, mais vous dégagez, là, ce coup-là, vous dégagez. Ouais, non, mais Gérard, tu reviens sur le débat, là. Céline. Oui, à son comportement, à la façon de regarder. La façon de parler aussi. Quoi. Et voilà, quoi. Et la souris. Oui, vas-y, je t'écoute. Donc c'est la souris, donc moi je... Attends, il y a Sarah qui voulait peut-être rajouter quelque chose. Elle voulait rajouter que tu es un pauvre con. Le pauvre con, tu sais ce qu'il dit, t'emmerde, alors tu dégages au standard. Tu t'arrêtes, s'il te plaît. Tu t'arrêtes. Bon, alors maintenant j'arrête. Tu arrêtes, s'il te plaît, maintenant. C'est clair. Max, tu me les prends au standard, tu les calmes, les mecs. Tu me calmes, les mecs, et tu me calmes la caméra. Sinon, je laisse le débat. Non, mais moi, tu me prends, les mecs. Eh ben, nous, on va le faire, le débat, voilà. Tu me calmes la caméra. La souris. La souris au standard. Du même avis que Céline. Gérard, on s'en va. De l'homme soi-même. Tout le monde au standard. Ouais. Oh, vous fermez vos gueules, les mecs, s'il vous plaît, quand je pose une question. C'est Antoine, tu m'as pas répondu. Pourquoi est-ce que t'as insulté François sur Europe 1 dans l'émission de la semaine? Bon, alors Antoine, tu dégages. Antoine, tu dégages. Gérard. Vos gueules. Gérard, je voudrais te parler poliment. Bon. Alors, la conclusion, comme ça va aller plus vite. Gérard, écoute, non, Gérard. Conclusion. Non. Conclusion. Non. Gérard, écoute. Gérard, là, maintenant, c'est terminé, dehors. Terminé. Vogel derrière, s'il vous plaît. Il est temps de conclure. Bon, allez, tu me reprends tout le monde au standard. Bon, allez, hop, moi, j'arrête. Julia, ta conclusion. Julia, ta conclusion sur le débat. Non, t'as pas posé toutes les questions. Non, mais moi, je veux pas le savoir. Maintenant, c'est conclusion, vous me faites chier. Question numéro 6, on n'a pas répondu à celle-là. Conclusion. Conclusion. Ta gueule, toi, quand je parle. Ouais, c'est tout le monde. Quand je te parle avec ce somme, tu ressens plus le tête d'un bébé. Bon, alors tu dégages. Dehors. Est-ce que toi, tu es obsédé? Oui, par Christine. Je sais pas, par rapport à toi, c'est pas forcément sexuel, Gérard. Non, c'est pas possible. Celui de Christine, tu me le sors? Non. Eh, je vous préviens d'une chose, que celui qui s'amuse à redire Carole, il va dégager avant les 10 minutes. Carole. Donc, sur la conclusion du débat sur les hommes obsédés, moi je vais la faire moi-même, parce que comme personne veut la faire. Non, mais maintenant je réponds plus aux questions, donc c'est la conclusion. Donc Julia, pour toi le débat. Ben écoute, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé que tu nous avais caché des choses. Hein. Gérard, il paraît que tu m'as encore des couches, ça c'est vrai. Comment ? Il paraît qu'il m'a encore des couches. Non, mais c'est bon, la conclusion, la souris, ta conclusion. La conclusion, c'est comme Julia. Bon, le débat était génial, mais il aurait été mieux s'il n'y avait pas eu du goût derrière, quoi. C'est pas cool. Baisse la radio, s'il te plaît, si tu l'as. Gégé, on a une surprise. Il y a quelqu'un qui aimerait intervenir pour la conclusion du débat. Oh, d'accord. Oui, bonsoir, c'est Caramel. Caramel, bonne nuit. Bonsoir, Caramel. Alors, moi, je voulais dire, parce que on a parlé du pont de l'Alma, alors, moi, je tenais dire... Non, alors là, c'est bon. Tu dégages, Caramel, je veux pas entendre ça. S'il te plaît, Gérard. Non, c'est terminé pour l'instant. Alors, moi, je voulais dire que, en question d'obsédé, quelque chose d'obsédé, c'est la grosse Christine sous le pont de l'Alma. Eh ben alors, Caramel, tu dégages, bonne nuit. Ça te reprendra. Bonne nuit. Bonne nuit à tous, vous allez retrouver Morgane pour la nuit sans pub. 6h. C'est bon, tu me reprends tout ça. Allez, c'est bon, hop. La grosse Christine. C'est bon. Je veux pas, Caramel. Avec Caramel. Femme à lunettes, femme à caquettes. Il est parti. Gérard. Putain. Tu dégages maintenant, toi. Là, tu sacs. Tu viens maintenant. Arrête. Qu'est-ce qui se passe? Dégage avec ta caméra. Arrête, Cyril. Putain, mais Alice, t'es borné ou quoi? Arrête. Putain, mais c'est dingue de voir ça. On va reprendre l'antenne là, dans deux. Ah bah voilà, elle est cassée. On va revenir en direct. Ah bah voilà. Merci. Non, mais attends, sors de ce coup. Non, mais dégage avec ta caméra. Sans poids de savoir, t'as qu'à pas me faire chier. Ouais, ça coûte c'est toutes les semaines. Ah ouais, ouais. Mais Cyril, c'est toutes les semaines aussi. J'ai perdu une caméra et j'ai perdu un boulot. C'est ça. Ouais, je vais dire une chose, c'est un ralenti que t'es en train de me faire et je te vois à la radio. Tu crois qu'il y avait David? David ou Gérard, tu vois, c'était eux? Bien sûr. Hein? Bien sûr. Tu sais, je sais qui c'est Caramel. C'est un mec de la loco. Je m'en doutais. Qui c'est qui s'est fait passer pour moi hier? Mais c'est toi hier. Non, arrête tes conneries, Gérard. J'étais pas dans la cabine hier. Arrête! Arrête, attends, on va reprendre l'antenne, c'est parti. C'est parti. Tu dégages avec ta caméra, je te veux plus longtemps. Hein? Bah tiens, prends le micro-casque pour démarrer. Ah bah voilà, ça reprend, tiens, on prend. De toute façon, ça va reprendre, là. Vite, ça reprend dans 10 secondes, vas-y. Donc, la conclusion sur les deux débats, apparemment... Il y a eu un peu de gueulante parce qu'il y a eu les mêmes et puis le caméraman qui arrête pas de me faire chier, ben là je suis avec lui, arrête s'il te plaît, merci. Donc voilà, la conclusion, la semaine prochaine, le prochain débat, je peux pas vous les annoncer encore parce que je les ai pas en tête. Les ovnis, est-ce que vous avez vu des ovnis dans votre vie ou des extraterrestres? Oh là là, moins fort le son. Arrête ta caméra, toi, abruti. Les débats. Pas de radio et... pas d'insultes. De Gérard. C'est la nuit spéciale 100% Gérard sur Fun Radio, le best-of, le meilleur avec Golden dans un instant qui vous fera les statistiques en 4 mois de toutes les insultes que Gérard a pu donner dans ses débats. Il y aura également une bonne annonce d'un film qui nous a été envoyé par l'un d'entre vous il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis le débat sur les routiers et les ovnis arrive d'ici quelques instants, mais attention. Remix spécial GG sur Fun Radio dans le Star System. Attention, il est là. Allô? Vous ne l'avez pas reconnu? Bon, alors maintenant, ça va être clair. Je suis Gérard. Gérard de Suresnes, vous me connaissez pas? Depuis longtemps. Toi qui ne sais pas à quelle heure que tu rentres, ta vie est en danger. Voilà. Je voudrais te dire je t'aime comme une rose. Je voudrais te dire je t'aime avec une lettre, mais je n'ai pas ton adresse. Je voudrais te dire je t'aime dans le creux de l'oreille, mais tu écoutes le Wattman. Ton Wattman. monstre vient de renaître. Non, c'est bien. Il est là, quelque part. Toute la semaine, traquez la bête sur Fun Radio. Dès que vous entendez ça... J'en ai rien à foutre. Appelez tout de suite et partez à deux pour New York. Assistez en exclusivité à l'avant-première mondiale du film Fun Radio. Le Star System, exclusivement sur Fun, est totalement... Radio Libre. C'est la Radio Libre spéciale Gérard ce soir, 100% Gérard, le meilleur de Gérard, avec une bande-annonce qui nous a été envoyée par l'un d'entre vous. On le remercie, on le salue en passage. Arnaud, merci. Et également le remix que vous avez entendu, on va en profiter pour saluer Olivier Delapro et Stéphane Denovergy. Bravo à eux, et Goldo est là pour nous faire revivre 4 mois de statistiques sur Gérard. Tu vas nous donner les chiffres. Attendez, les chiffres que Goldo va nous donner, c'est officiel. Ce sont réellement... toutes les insultes ou alors les mots ou les phrases fétiches que Gérard peut donner lors des débats en l'espace de 3 heures. Vous allez entendre que certaines insultes ou certains mots sont quand même dits assez régulièrement. Goldo, on t'écoute. Voilà, donc petit résumé de ce qui s'est passé donc en 16 semaines. On avait eu un peu tout, l'intelligence, les hommes obsédés, les ovnis, les cibles jaunes, etc. Parle bien devant ton micro surtout. Hein. Ok, d'accord. Donc au niveau des insultes, donc j'ai fait un petit total. Parle bien devant, vas-y. Tu m'entends là ou quoi? Ah c'est bien, non, c'est bien, ça entend bien ta voix devant le combiné. Ok. Au niveau des insultes, donc GG nous a réussi un petit 3992 insultes. Ça fait une moyenne quand même de 249 par émission. Ouais. Alors je te fais un petit détail, on a 405 fois merde. 405 fois merde. Merde, ouais. 231 putain, 224 connard ou connasse, 282 con ou conne, 186 conneries, 177 abruti, 307 fait chier. 178 rien à foutre, 139 je t'emmerde, 217 va te faire foutre, 136 enculés, 76 saloperies et 184 trous du cul quand même. Ouais. Donc, Des statistiques qui ont changé mon avis, parce qu'il s'est un tout petit peu calmé. C'était à l'époque il y a un an, ça. Hein, voilà, c'était il y a 6 mois, un an. Voilà, à l'époque, les fameux obsédés qu'on a écoutés tout à l'heure, ou le débat sur les ovnis qui va arriver dans les minutes à venir. Ouais, ça cognait bien fort. Donc en plus, t'avais quelques pétasses, des couilles, des bites, des fils de pute et compagnie. Ouais. Ok. Alors ensuite, dans la petite rubrique, quand il essaye de faire taire les auditeurs. Oui. Donc on a 2591 interventions de GG, soit 161 par émission. Et on a principalement, donc, bien évidemment, ta gueule. Ouais. Donc, ta gueule, 287 fois en tout, et la ferme avec 377 fois. Bien. Puis on avait aussi des tu-te-tais, tu-te-calmes et compagnie. Le standard, alors, ben, en fait, quand ils virent les gens au standard, alors, le fameux tu-dégages au standard, qu'on a eu 776 fois en tout. Quand même. Ok. Tu vires au standard 513 fois. Ouais. Et tu retournes au standard 166 fois. Ouais. Ça fait un total de 3077 fois. En gros, il a viré 192 auditeurs par émission. 192 auditeurs par émission, en bravo Gérard. Balèze. Alors après, il y a les petits problèmes avec son équipe technique. Oui. Donc Olivier s'est fait engueuler 417 fois, Manu 485, et Fildar 365. Ouais, mais entre-temps, ça a augmenté. Oui, mais c'était à l'époque. Aujourd'hui, t'inquiète pas, tu seras numéro 1. Et donc, à l'époque, le numéro 1, c'était donc la caméra Fun TV avec 618. Oui, c'est vrai, on a entendu tout à l'heure, tu dégages avec ta caméra, voilà. Chose qu'on retrouvera dans quelques instants avec le résumé du débat sur les routiers. Donc, petit total, donc 1887 en tout, donc engueulade pour l'équipe technique. Bien. Et le meilleur pour la fin, donc les expressions de GG, qui sont les siennes et les siennes seulement, quoi. Oui. On en a 5573 en tout, soit 348 par émission, ça représente une à peu près toutes les 30 secondes. Bravo. Pour avoir d'idées. Donc on a 304 fois, de manière 537 fois, 848 fois, 321 fois, je vais te dire une chose, il a quand même dit une chose, 673 fois, ça fait quand même pas mal de choses, le fameux allez hop 934 fois, et bonne nuit 745 fois. Et voilà, au total, si on fait le total de tout ça, GG a quand même réussi à dire 17120 conneries en tout. 17120 conneries, soit à peu près 1070 par émission. Bravo! C'est le record en radio, hein, sur toutes les radios FM du monde confondues, je pense. Hein. Je crois qu'au niveau politesse et tout ça, il bat tous les records. Voilà, Goldo, tu vas rester avec nous, puisque tu nous parleras un peu plus tard dans la nuit, juste après le résumé du débat sur les routiers et Armand van Delden de Funk Phenomena. On ira du côté de la GG Boutique. Ça marche. D'accord. Et toujours au standard tout à l'heure, on aura également Luigi qui fera un hommage de nouveau à Gérard. Luigi, qui était également un grand fidèle des débats du jeudi, bien sûr, c'est loin d'être terminé. Eh ben, je sais pas, tu te souviens des débats des routiers, Goldo ? Ouais, tout à fait, c'est clair. Voilà, Gérard qui était un ancien routier, donc c'était un débat qui lui tenait à cœur, et je peux vous assurer que cette nuit-là, Gérard a tout déballé, il nous a donné l'envers du décor de ce qu'est les routiers, il s'est embrouillé avec quelques-uns des routiers, et heureusement qu'il était là pour mener de main de maître ce débat, qui vaut son pesant de cacahuètes. Toujours la radio libre jusqu'à 3h du matin, consacrée exclusivement à Gérard, du 100% Gérard, avec les routiers tout de suite sur Fun Radio, le résumé du Star System. Si vous voulez nous appeler sur le thème du débat, c'est les routiers, donc il est 2h39, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000 et toujours le 3615 Scott Fun Radio, rubrique directe, et là on vient de s'écouter le nouveau Laurent Laurent Barnier avec J'aime aussi faire la fête le jeudi, donc on accueille Gertrude. Ouais, Gertrude, camionneuse. Bonsoir. Bonsoir. Tonton Bel-Oeil. Une fois, deux fois, trois fois, bonne nuit. Bonne nuit. Ah non, tu peux pas le virer, c'était le seul routier que j'avais trouvé. Non, ben, on a une routière, c'est pareil. Ouais, mais il faut un mec. Ah ben, on a Spoon. Ouais, je veux un collègue. Ouais, bonsoir, c'est Spoon. Didier. Salut à toi, poids lourd. Didier. C'est moi, salut à toi, poids lourd. Jean-Pierre. Ouais, salut, je suis pompiste. Moi. J'ai retrouvé Tonton Bel-Oeil. Hein. Et Tonton Bel-Oeil, t'es là? Excuse-moi, GG, bonsoir. Bon, réveille-toi, Tonton Bel-Oeil. Non, c'est rien, en fait, j'étais dans la cuisine avec ma femme. Pensez-vous que le métier de routier est-il dangereux? Celui qui s'amuse à faire du bruit, arrête! Je peux répondre? Bon, Manu, s'il te plaît, tu me calmes celui qui s'amuse avec ça. Je peux pas savoir humainement d'où ça vient. Je crois qu'il y a un routier, donc il est peut-être dans son camion. Alors, est-ce que le métier de... Bon, moi, je... Routier... Moi, je continue pas avec un son comme ça pour que... Je peux répondre, GG? Vas-y. C'est dangereux, pourquoi? Parce que quand tu roules, t'es sur la route, il est la journée ou le soir, et que là, tu rencontres deux filles du sexe féminin sur le bord de l'autoroute, qu'est-ce que tu fais en tant que routier? T'es tout seul, t'as fait ta journée, hein? Soit t'es marié, soit tu ne l'es pas, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, déjà pour commencer... Sur le bord de l'autoroute, déjà pour commencer, je vais te répondre, et ça, Gertrude va être d'accord avec moi. Déjà pour commencer, donc, déjà pour commencer, sur l'autoroute, les gens n'ont pas le droit de s'y arrêter, sauf si t'es en panne. Déjà une, stop, 5 minutes, oui. Oui, on accueille donc Juan Lucas à la place de Didier, il est cibiste. Mais t'inquiète pas, il n'est pas sur la cible, il est sur le téléphone. Qui? Juan Lucas. Oui, bonsoir, Juan Lucas. Ah, c'est pas ce problème, il y a un vrai problème là. Lucas. Alors, deux secondes, j'ai un truc sur Minitel aussi de Fabio qui nous dit que selon une étude américaine, être longtemps assis au volant peut rendre stérile. Donc il parle bien sûr des chauffeurs routiers, tout ça. Donc il voudrait savoir si Gérard, en tant qu'ancien routier, t'as eu des séquelles. Non. Explique. Non, parce que déjà, même que tu restes trop longtemps assis, t'en as marre. Donc t'es obligé de t'arrêter pour faire des pauses. Donc... donc, on va passer à la deuxième. Peut-on avoir une vie de famille pendant qu'on conduit? Bah non. Ouais, Gérard, moi j'ai plutôt une vie de chien. Qui? Paul. Quoi? Où qu'on a un Paul? Y'a pas de Paul, Manu? Y'a pas de Paul. Ah, il fait que passer, Non, je fais que passer, je suis déjà parti. Ouais, bah alors, bonne nuit. Bonne nuit. Salut. Jean-Pierre. Oui. En tant que pompiste. Oui. Bah toi, ça doit être... Pendant que je conduis, c'est ouais. Ça? Bah ouais, mais moi je suis pompiste, je conduis pas. Bah oui, c'est pour ça que je vois pas... Le terme du débat, non? Bon, non, ouais. Mais je vois pas, je veux bien, on va te garder, mais si t'as vraiment rien à dire, ça sert à rien qu'on te garde. Hein, non, oui. Bah, écoute, moi je propose qu'on fasse un vote pour le garder. Ouais, non, mais attendez, c'est pas vous qui commandez, c'est moi, d'accord? Ouais, Spoon. Non, mais attends, Spoon, pour l'instant tu t'écrases, on demande à Juan. Voilà, Juan Lucas. Et donc non, parce qu'en fait, la femme ou le mec, quand il est sur la route, et bien l'autre côté, la femme ou le mec fait ce qu'elle veut, quoi. Et le chien. Et le chien aussi, le chien. Qui c'est qui sort le chien si c'est pas le mec? C'est Jérôme. Gérard, comment tu vas avoir une vie de famille quand tu conduis? Déjà, quand tu conduis, tu peux pas avoir de vie de famille, ça c'est sûr. Explique. Donc une vie de famille, de toute manière, tu peux pas en avoir, parce que déjà, tu peux pas t'occuper du volant, du levier, de ta femme, tout ça. Non, tu peux pas être avec ta femme si elle est avec toi, parce que je sais qu'il y a des chauffeurs routiers qui emmènent leur femme avec eux. Et même en famille alors. Ouais, tu peux conduire en famille. Ben je vois des couples qui conduisent en famille. C'est ça débile. Oui. Débile. Non, mais c'est peut-être débile pour toi, mais pour moi, non. Moi, j'ai déjà vu des couples qui conduisaient. Il y avait le mari et la femme. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois qu'il y a à peu près. Il y a deux semaines. Deux semaines, ouais. Non, un peu plus. Ah bon? En début d'année, je crois. Ouais. Il y a eu un couple. Il y a eu un couple qui était là. Et ils étaient mari et femme et ils conduisaient tous les deux. Et elle fait quoi la femme pendant qu'il conduit? Ben, elle se repose et c'est quand lui il est crevé, ben c'est elle qui reprend le volant. Voilà. Donc à quoi sert la CB pour les routiers? Donc ben Juan. Ben voilà, merci de me donner la parole, car moi-même je suis cibiste, mais je ne suis pas routier. Et en fait, je aborde tout à fait des routiers, car à chaque fois que je fais de la CB, ils passent par-dessus parce qu'ils ont des grosses antennes. Mmh. Ils passent, quand ils passent devant ma maison, parce que j'habite à côté d'une autoroute, bon, j'ai pas payé très cher à la maison, et à chaque fois, ils passent par-dessus. Alors moi, ces gros enculés de routiers, j'en dirais qu'ils fassent plus attention. Que... Tu restes poli, s'il te plaît, d'accord? Donc, Gertrude, elle a répondu plus vite que moi. Donc, t'es bien content de nous avoir, t'es bien content d'avoir des routiers pour avoir de la bouffe dans le magasin. Ouais, non, parce que moi, la bouffe, je vais la chercher dans mon champ, et parce que j'ai des animaux, parce que j'habite dans une ferme, et moi, j'en ai rien à foutre des routiers d'abord. Alors, si t'es pas content, tu dégages, comme ça, tu vas être, comme ça, ça ira plus vite pour toi. Je suis pas content, je veux continuer à participer au débat, mais non. Je dis que j'ai pas besoin des routiers. Eh ben, si t'as pas besoin des routiers, je vois pas pourquoi tu fais partie du débat. J'ai bien pour et en contre. D'accord. J'ai Bad Trip sur le Minitel qui dit, voilà, CB, c'est pour les homos, donc c'est bien pour les routiers. Ça veut, dire, ça, veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, sa question? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les routiers, c'est des PD. Ben, c'est ça, peut-être. C'est pas des PD, les routiers. Moi, je peux te le dire. Je m'en suis fait, c'est pas des PD. Moi, j'ai été routier, fais-moi confiance qu'on est encore plus malin que les petits branleurs qui s'est mis sur Minitel à nous traiter de PD. Tu t'es fait des routiers, Gérard? T'inquiète pas que... Une fois, on en a chopé un. Un routier? On était du côté de... Nogent? Non, c'est pas Nogent, c'est... Avignon? Non, c'est l'arrêt... Berlin? L'Alma? Non. Oh, je rigole. Et plus tard, tu vas arrêter parce que tout à l'heure, tu vas te casser. Saint-Denis? Non, c'est une heure de repos, c'est après Auxerre. Et fais-moi confiance que le mec, il a voulu jouer au con avec sa civile, il a voulu nous insulter. Mmh. On l'a chopé à 6 routiers, et fais-moi confiance que le mec, dans sa bagnole, il était pas clair. Quand il a vu les 640 tonnes. Les 6 cunus, ouais. Les 640 tonnes, plus des 19 tonnes, qui l'ont encerclé, fais-moi confiance que le mec, il a fermé sa gueule. Vous avez fait quoi après? Ben, fais-moi confiance que sa bagnole, elle était pas belle à voir après. C'est vrai? Vous l'avez rentré dedans? Moi, j'ai assisté quand même à l'échauffement du carnage. Mmh. Parce que j'ai quand même assisté un peu pour pousser la bagnole. Mmh. Et fais-moi confiance que celui qui était derrière, on s'amusait à se le pousser. Et la bagnole... Excusez-moi, inspecteur en foireau, ça. Toi, tu sors d'où, toi? Depuis 2 ans. Tu sors d'où? T'es pas Jean-Pierre, toi? Non, pas du tout. Donc maintenant, je l'ai trouvé. Vous allez avoir de sacrés problèmes, monsieur. Bon, alors, dégagez, bonne nuit. Celui-là, tu me le dégages, je vois pas. Non, mais il a raison. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Agressé un routier sur l'autoroute A14. C'est la police. Je peux rien faire. Mais alors, Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Bon, allez, dégagez, on en a rien à foutre de vous. Est-ce vrai ou est-ce pas vrai? Merde, c'est pas à vous que je m'appelais. C'est pas à vous que je m'adressais. Vous allez avoir des problèmes, mon gaillard. Ouais, ben, si vous êtes pas content, vous raccrochez. Jean-Pierre. Oui. Ouais, avant de répondre à ta question, là, tu racontes une histoire, là, que vous avez pris un mec à 6, là. Mmh. Moi, j'ai toujours entendu que les routiers étaient sympas, là. Ça, c'est pas très sympa de faire ça, là. Pourquoi vous faites ça? Non, mais attends, Jean-Pierre. Ouais. Moi, je vais te dire une chose, quand tu te fais insulter de tous les noms à la CB, fais-moi confiance qu'avec avec l'aiguille, tu sais très bien où tu es. Et tu peux le choper. C'est peut-être pas une raison pour taper les gens, Gérard. Ouais, mais quand même, il a pas à nous insulter, il a pas. C'est pas une raison. Le Canal 19. Imagine-moi, regarde, je te regarde et je te dis enculé, tu vas pas me taper. Parce que t'es un con, c'est tout, et je te répondrai pas pour cette tâche. Gérard, tu donnes une mauvaise image des professionnels de la route. Ok. Non, mais je pense que la CB, je peux quand même en parler, parce que j'en ai quand même fait quand même pendant plus de trois ans. T'en as eu combien? Et même en étant routier, j'en avais toujours une dans mon camion. Ce qui est bien, c'est pratique, une CB, ça, Gertrude, elle pourra pas me contredire. Je suis d'accord avec toi. La CB, c'est bien, c'est quand tu demandes un radioguidage, c'est sûr que... C'est quoi un radioguidage? Un radioguidage, c'est pour ça, tu cherches une ville que tu peux pas trouver. Donc tu demandes déjà un radioguidage, merci de me laisser C'est le 12. Venir. C'est le 12. Oui mais GG, si tu peux pas la trouver, à quoi ça sert que tu la cherches? Eh ben tu demandes un radioguidage, ça sert à ça le canal 19. Ouais, donc j'ai une question sur le Minitel, ils veulent tous savoir quel était ton QRZ. Mon QRZ c'était à tailler. Combien de temps passe-t-on sur... Bon, Manu, s'il te plaît, t'essayes de me le calmer, celui-là, ou... J'essaye. Ouais, bah t'essayes, faudrait peut-être te réveiller un peu, hein. Gérard, j'ai une question de Fabio sur Minitel qui te demande si t'as taillé des pipes. N'importe quoi. Donc, combien... Gérard, tu vois pas que t'as taillé des pipes. Bon, Manu, s'il te plaît. Essaye de les calmer ou ça, je vais faire comme une fois, je vais virer tout le monde. Ok, bon, bah, les auditeurs, s'il vous plaît. Non, tu vas me les prendre, les uns. Ok, d'accord. Les uns, tu vas me les calmer vite fait. Les uns derrière les autres. Allô? Les uns derrière les autres. Ouais, tu te calmes, s'il te plaît, Gertrude, ok? Non, mais attends, Gertrude, elle a rien dû, alors. Ouais, d'abord. Ouais, tu te calmes, s'il te plaît, tu te calmes, ok? Ok, ça marche. Voilà, ça y est, c'est fait. Combien de temps passe-t-on sur les routes? Combien de temps? Bah, ça dépend. Tu l'as calmé ou tu te fous de ma gueule ou tu prends le métro là? Ah, Gérard, non, je prends pas le métro, il y en a plus. Non, mais je crois que tu te foudrais un petit peu de ma gueule là le jeudi. Ça fait déjà deux jeudis que tu me parles le deuxième débat. Ça fait déjà deux jeudis. Deux jeudis. Ouais, ben le troisième jeudi, tu le feras chez toi. Donc on va demander à Gertrude. Ouais. Ben moi je fais du transport international. Donc, ça fait 10-12 heures par jour. Je dors dans le camion, je fais tout dans le camion. Ouais, non, mais je pense que... je sais que tu passes plus de temps. Normalement, c'est dommage qu'on n'aille pas d'autres témoignages de routiers, qu'on aille Gertrude, parce que les autres, c'est même pas des routiers, c'est des petits connards. S'il te plaît, tu te calmes. Hein? Gérard, excuse-moi, mais tous les routiers, ils étaient sur portable, alors je les ai pas pris, quoi. Donc, c'est dommage qu'on n'aille pas d'autres témoignages. Lance une annonce. Donc, s'il y a des routiers qui nous écoutent, vous pouvez nous appeler, ça nous ferait plaisir avec d'une cabine. D'une cabine, et ça ferait plaisir à Gertrude, parce que comme ça, on pourrait discuter entre routiers. Donc, est-ce que les routiers rentrent-ils tous les soirs chez eux? Excusez-moi, on va peut-être demander à Denis, qui est un vrai routier. Quand même. Ben, quand même. Bravo, madame. Tu t'es réveillé? Ouais. Ben, pour une fois. Denis. Salut, Gérard. Bonsoir. Salut. Bon, à force d'entendre des conneries, j'ai pété les plombs dans le camion, là. Ouais. D'abord, les heures de pause. C'est 4h30 de route, 45 minutes de repos. Au bout de 9h, on doit s'arrêter. Ah, au bout de 9h? C'est des conneries. Ça, pour moi, c'est pas 9h, c'est 2h. N'importe quoi ce qu'il dit. C'est pas un vrai routier. C'est un travelot, c'est pas un routier, ça. Oui, j'ai fait du vélo. Bande de petits connards, là, je vais vous donner un travelot. Tu restes poli, s'il te plaît, Denis. Travelot. Manu, s'il te plaît, tu me calmes un peu ça, parce que là, ça commence à bien faire pour finir. Donc, pour terminer, les routiers prennent-ils des jambes en stop? On va demander à Denis, on va essayer de. On va demander à Denis, le faux routier. Le travelot. Allez. Oh, Denis. Ouais, je suis là. Alors. C'est interdit. D'accord. Ok, c'est bien. Conclusion. Gertrude, qu'est-ce que t'as pensé du débat sur les routiers? Ah bah moi, je suis accablé quand j'entends des cons pareils qui disent qu'ils sont routiers, que c'est pas vrai. Moi, je défends ma profession. Je suis une professionnelle de la route. Mais non, là, quand j'entends des rigolos pareils, moi, ça me dégoûte, tiens. Antoine. Mais moi, je dirais que les routiers, c'est des gens sympas, comme il y a écrit des fois sur les parois des camions. Et je dis qu'ils continuent leur boulot à tête haute, et tout le monde, les vaches sont bien gardées, voilà. Jean-Pierre? Ouais, le débat était bien. Bon, les routiers sont alcooliques, mais moi, je les trouve quand même sympas. Et la seule chose que je trouve dommage, c'est qu'à chaque fois que je vais à la loco, je vois beaucoup trop de routiers dans les chiottes de la loco. Ça, c'est chiant, quoi. N'importe quoi. Mais sinon, les routiers sont sympas, c'est clair. Alain? Ouais, est-ce que tous les routiers doivent avoir la moustache? Quoi? Tous les routiers doivent avoir la moustache, non? C'est vrai, parce que pour être routier, il faut avoir la moustache, c'est une bonne question, ça. Pas obligatoire, moi. Parce que toi, depuis que t'es plus routier, tu t'es fait raser la moustache? Non, je l'ai maintenant. Ah, t'es routier? Bah, je l'ai toujours. Il a toujours un poids lourd. Le poids lourd, il t'emmerde, d'accord? Quoi? Comme ça, t'es servi. Donc, moi, je vais faire conclusion. Donc, je pense que ça est, à part au standard, ça a merdé. Comme d'habitude. Sinon, ça s'est pas trop mal passé dans l'ensemble. Donc, j'espère que la semaine prochaine, ça sera mieux que ça. Armand Van Helden dans le Star System, en plein cœur de la nuit avec The Funk Phenomena. Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et vous aurez le droit tout à l'heure avec une nuit 100% spéciale Best of Gérard et une deuxième parodie sur le thème de Nirvana. On a entendu de celle tout à l'heure, celle sur Francis Cabrel. Mais ensuite, ça sera un résumé sur le débat des ovnis. Mais dans l'immédiat, deuxième partie pour Goldo. Donc cette fois-ci sur la GG Boutique. Ouais. C'est tout à fait ça. Donc, je rappelle, c'est en fait un petit pli que j'avais reçu dans mon courrier. Il y avait une petite note explicative, un petit catalogue et un bon de commande. Donc, je vais lire tout ça, les auditeurs vont comprendre tout de suite. Vas-y. Donc, Tantous Productions vous présente donc la GG Boutique. Gérard vous propose de réaliser tous vos fantasmes déguisés, les plus coquins et même les plus hard. Donc, SM, scatologie, urologie, zoophilie, gérontophilie, nécrophilie, gangbang. Si vous voulez passer commande, Gérard s'engage à venir à votre domicile le jour prévu, à l'heure prévue, avec le déguisement que vous aurez choisi, afin d'assouvir tous vos fantasmes, et ceci pendant une heure. Vous trouverez 6 juin un mini-catalogue vous présentant quelques déguisements parmi les préférés de Gérard de Suresnes. À noter que les prestations de Gérard de Suresnes sont composées à chaque fois d'un lot de base auquel peuvent s'ajouter diverses options. La direction de Tantous Productions et de GG Boutique décline toute responsabilité en ce qui concerne l'hygiène de Gérard de Suresnes et les éventuelles complications médicales que peuvent causer des rapports sexuels avec ce dernier. Mmh. Donc voilà, donc j'espère que Sandy a mis Gérard sous respirateur parce que ça l'a saigné quoi. Donc on avait la GG Servante, donc je te lis, il faut fermer les yeux en fait, et si vous voyez Gérard, vous essayez d'imaginer le GG donc déguisé quoi. Donc la GG Servante, donc habillée d'un beau tablier blanc et de gants mappa rose, la GG Servante exaucera tous vos vœux. Elle sera la plus soumise des esclaves et vous obéira non pas au doigt et à l'œil, mais à la bite et au gode. Et on avait en option, donc, balai à chiottes dans le derge, branlette au tampon vert, scotch brit. Ouais. Ensuite, on avait donc le GG routier, c'est celui que Arnett préfère. Ouais. Dans son bleu de travail bien dégueu, le GG routier vous propose un trip bien violent à l'arrière de son camion. Préparez-vous à la domination extrême et à des giclées extrêmes. Avec en option une clé à molette dans le derrière, ou ouais, une petite cibie au choix. La GG infirmière, donc si vous aimez encore jouer au docteur, la GG infirmière vous propose une consultation privée. Je serai jamais malade, moi. Nu sous sa blouse, les jambes bien velues, la GG infirmière vous auscultera avec un examen proctologique complet en option. Ensuite, on a le fameux GG cowboy, donc retrouvez les odeurs de la ferme avec le GG cowboy. Partez pour un rodéo sexuel furieux, vous chevaucherez Gérard de Suresnes nu en Santiago avec un chapeau. Je vais essayer d'imaginer. C'est clair. On a toujours le fameux GGCRS. Oui. Donc Gérard de Suresnes vous propose une intervention musclée dans votre derrière, lui avec un casque et un bouclier anti-émeute. Gérard vous garantit du sexe brutal et violent à l'état pur, avec en option donc matraque dans le cul et lubrification du gland à la bombe lacrymogène 20%. Ensuite, on a Gerardo Chichi, donc le plus coquin des travelots latins. Je m'en souviens de ça. Venant tout droit d'Amérique du Sud, du soleil et de la chaleur, Gerardo Chichi vous mettra le feu à la touffe et vous embarquera dans une samba anale endiablée avec en option le cactus dans l'anus et la pipe à la sauce piquante ou au tabasco. Parle bien devant ton micro parce qu'on t'entend super sourd. Ok, d'accord. Et on avait, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors donc la GG Star, donc la tenue qu'il met quand il vient à Fun ou à la Loco à l'époque. Ouais. Donc vêtu de ses tongs et de son t-shirt Ricky Martin, le cheveu bien gras et la laine bien chargée, GG vous fera revivre l'ambiance survoltée et surchargée de sperme de la Loco. Soirée réussie garantie. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait donc, ah oui, la fameuse, la GG Pocahontas. Ouais. Donc retrouver les ambiances des soirées indiennes autour du tipi. La GG Pocahontas vous invite à déguster le calumet de la pisse. Avec ses tresses ou sa queue de cheval, le GG Pocahontas sera la Cheyenne la plus chienne. Et en option, donc, la GG Pocahontas vous scalpera la bite avec l'outil le plus adapté, bah, c'est-à-dire sa dentition, quoi. Ensuite, on avait la GG Pervenche, donc toujours dans la série Nos Amis les Flics, ah après oui, le GG CRS. Ouais. Ouais. Nous vous proposons la GG Pervenche, sous son costume de contractuel, vous découvrirez de magnifiques porte-jartelles sur de magnifiques jambes bien velues. Mmh. Elle vous fera sauter les PV, elle vous fera aussi sauter le cul. Giclée extrême garantie à nouveau. Tata GG, donc le plus campagnard des suceurs de dard, venez vous éclater la rondelle avec la pédale du terroir. Si vous rêvez de fornication violente dans des tas de fumier ou des auges à cochons, la Tata GG est là pour vous. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors celui-là excellent, le GG Copperfield, je sais pas si tu te souviens. Découvrez le garcimore de la copulation et ses tours de magie anal uniques au monde, comme le trou noir. Il fera disparaître n'importe quelle bite dans son trou noir sans aucune lubrification. À noter qu'il peut aussi faire disparaître 10 litres de vin en 7 secondes, mais avec sa bouche. Enfin, si vous êtes chanceux, le GG Copperfield vous livrera les secrets d'un autre de ses tours que lui seul réalise, la sucette magique de la Loco. Ouais. On a le GG Martin, le plus homo des latinos. Donc après le succès de Gerardo Gigi, le plus coquin des travelots latins, retrouvez Gigi Martin, le boy qui bande pas, pour un undo stress dans vos fesses. Undo stress dans vos fesses. Offrez-vous le plus grand spécialiste pour danser la samba anale et la salsa des chiottes, transpi et cheveux gras assurés. Et donc en option, tu pouvais transformer le undo stress en Heinz Weidreich pour un truc bien violent, quoi. Mmh. Et enfin, la fameuse, le préféré de GG, d'après ce qu'on m'a dit, donc la Lady GG, en robe de soirée et talons hauts, la Lady GG vous propose de faire un tour dans sa Mercedes pour vous exploser le derrière avec sa queue et vous exploser la tête dans un pylône. Découvrez le pont de l'Alma comme vous ne l'avez jamais vu avec la Lady GG. Oh bah dis-moi, tout ça c'est ce que tu nous faisais à l'époque. Alors. Voilà, je tiens à préciser que c'est pas moi un GG. Non, non, enfin je veux dire, c'est ce que tu nous lisais toi, mais c'est ce que tu recevais dans la boîte aux lettres. Voilà, j'ai absolument rien à voir avec tout ça, bien évidemment. Bien évidemment, mais quel plaisir d'entendre tout ça. Ah là là. Luigi va faire un hommage à Gérard dans 2-3 minutes, hein, Luigi. Oui, si, si, ciao, ciao, Max. Oui. Ciao, ciao, tu t'en vas déjà? Non, non, je suis là, je viens d'arriver, je voulais faire un petit hommage à Gérard. D'accord, eh ben, tu ne bouges pas, juste le temps pour nous d'écouter en 2 minutes 30 une parodie de nouveau que David était venu nous faire dans les locaux de la radio. On a écouté tout à l'heure, si vous étiez là depuis le début minuit, eh bien, un hommage à Gérard sur le thème de Francis Cabrel. Et cette fois-ci, c'est sur Nirvana. Juste après, on accueille Luigi pour l'hommage à GG. Je te remercie, Goldo, bonne nuit. Il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, on ira du côté d'un un résumé d'un débat qui avait été, à mon avis, l'un des plus trash, aussi bien à l'époque de Fun TV qu'également au niveau du son radio. C'était le débat sur les ovnis. Mais juste avant, un hommage sous le thème de Nirvana sur Fun Radio pour notre ami Gérard de Suresnes. Gérard est un crétin. Il n'y a que lui qui ne le sait pas. Les auditeurs le savent bien, ça se voit quand il fait ses débats. Vous la fermez, vous commencez à me gonfler. Si c'est comme ça, j'arrête les débats. Êtes-vous pour ou contre la différence d'âge? Moi je suis pas trop contre, caramel tu dégages. Des nanas, mais les nanas elles n'en veulent pas. Pourtant c'est comme un grand frère, les juste un tout petit peu vulgaire. Espèce de salope, putain de pétasse, je te tords le cou si tu donnes mon tatou. Je vais pas me faire emmerder par une poufiasse enragée. Va te faire sauter, j'en ai rien à branler. Gérard n'est pas hétéro, enfin ça, ça reste à prouver. Je l'ai vu à la loco, en train de se faire défoncer. Êtes-vous bisexuel? Ta gueule caramel, pour la dernière fois, retourne chez toi, direct au standard. Non, je ne sucerai pas ton dard, tu sauras pas si je bande, c'est moi qui commande. Des poèmes depuis 4 ans, ce sont les mêmes. Nous prend vraiment pour des cons. En plus, ces poèmes sont bidons. De toute façon, il est hors de question. C'est clair et net. Dégage Arnett, Luigi et Tony. Vous dégagez aussi les points sur les i et les barres sur les t. Bon, maintenant. La fermer, vous me gonflez, stop! Et pourtant, on ne s'arrête pas là, c'est toujours la nuit, 100% Gérard sur Fun Radio, le best-of, puisque Gérard a décidé de mettre un ultimatum et de ne pas venir ce soir pour vous donner en direct de nouveaux débats. Donc, on passe les résumés des meilleurs débats, des remixes, des exclus, des témoignages. On a eu celui de Tony, de Goldo. Arnett est à venir, on a eu Mégane, on a eu Thierry de la Sécu, dont je disais Arnett est à venir, il a fait un petit micro-trottoir. On aura également Pierre Fula qui fera une chanson d'hommage à Gérard sur la chanson de Laurent Garnier et Crispy Bacon. Mais dans l'immédiat, Luigi, un hommage à notre ami Gérard avant qu'on retourne vers un résumé d'un débat, celui des ovnis. Ben écoute, Max et Gérard, je l'ai rencontré à une distribution alimentaire à la soupe populaire. Oui. Il se battait pour avoir une boîte de Whiskas et de Pedigree Pal car il adore ça. Oui. Et moi et les copains, on l'appelle toujours Dark Pure, que la transpire soit avec toi. Oui. Grâce à lui, on a toujours de la place dans le métro ou au Resto du Cœur. Le problème, c'est qu'il dope tellement la transpire qu'en me baladant avec lui au salon de l'agriculture, un taureau a voulu le sodomiser. Les animaux, il aime bien ça, c'est en regardant 30 millions d'amis qu'il a eu sa première éjaculation. Mais ce qu'il préfère, c'est des cotons-tiges dans le cul. Ah, c'est ce qui paraît, oui. Sacré GG, tout petit déjà, il puait tellement que ses copains l'ont abandonné dans une machine à laver, bloquée sur la touche essorage rapide. Depuis, on a toujours eu l'impression que GG s'était fait cambrioler son cerveau. avec sa copine Moby Dick. Il a passé un casting pour la pub Homo, mais on lui a préféré les chimpanzés qui avaient mieux réussi le test d'intelligence. Et depuis, il est un peu déçu, mais il compte bien tourner Jurassic Sex avec Sandy. Dans les chiottes de la loco, un jour, il a failli se noyer. Comme il a l'habitude de s'agripper et de mettre sa tête dans la cuvette pour mieux écarter ses jambes et son anus qui pue, un type, en le sodomisant, sans faire exprès, a tiré sur la chasse d'eau et Gégé a bu la tasse. Depuis, on le reconnaît à la loco car c'est le seul qui a un masque et un tuba sur le dance floor. En tout cas, Gégé, si tu m'écoutes, s'il te plaît, arrête de faire caca le soir contre les poteaux sur le pont de l'Alma, car l'année dernière, en te voyant une Mercedes avec une lady s'est scratchée contre un poteau. Sinon, Gégé, c'est promis, je ne dirai pas que tu as déjeuné au kick aujourd'hui avec D-Fool pour un projet de débat sur Skyrock. C'est vrai, il aurait rencontré D-Fool? Si, oui, je l'ai vu au kick de à côté de Skyrock. Il était en train de bouffer quelque chose avec D-Fool puis discuter de projets de débat. Quoi. Bon, d'accord, ok. Bah, Luigi, ça me fait plaisir de t'avoir de nouveau. Ben, écoute, je voulais plus intervenir depuis que GG est payé. Je trouve que c'est scandaleux. C'est vrai. Pour ce qu'il faut. C'est vrai. Il y a d'ailleurs le CSA qui nous a écrit pour demander quand est-ce qu'on allait arrêter ici de continuer à payer Gérard. Parce que franchement, le fait de ne pas venir ce soir, par exemple, mérite une sanction exemplaire. D'ailleurs, le CSA parle d'une sanction exemplaire et d'interdire l'accès à un animateur radio à vie. Et on entend parler de Gérard. Tout à fait. Nous, on a fait une pétition qu'on a envoyée à Axel Duroux pour qu'il ne soit plus payé. Quoi. Bah oui, comme Ben Johnson qui est interdit à vie d'athlétisme, on dit que ça serait la même chose pour. Donc, il est possible que Gérard se mette à faire des compétitions et à courir avec des chevaux, comme l'a fait Ben Johnson pour gagner un peu d'argent. Merci en tous les cas, Luigi. Je te souhaite une bonne fin de nuit. Salut. C'est très sympa d'être passé. Arnette, t'es avec nous et t'as fait un petit micro-trottoir que j'ai dans les mains. Oui, bonsoir Max. Ça va ? Très très bien. Donc dans les minutes à venir, en deux mots, ça parlera de quoi le micro-trottoir sur Gérard ? T'as voulu poser quoi comme question ? J'ai posé des questions en fait, qu'est-ce qu'il pensait de Gérard ? D'accord, donc on saura tout ça d'ici quelques instants. Et Pierre Fula se prépare également dans les starting blocks. Donc vous avez compris que jusqu'à 3h du matin, on ne baisse pas d'un ton, on ne ralentit pas. Bien au contraire, on va accélérer puisque vous allez écouter maintenant le débat. On le disait tout à l'heure, l'un des plus... peut-être les plus trash, entre guillemets, parce qu'il y a pire, il y a eu un débat sur lui où c'est encore pire que tout, et on le passera probablement pour conclure cette nuit. Mais celui sur les ovnis était quand même relativement fort. On a entendu des témoignages de gens assez hallucinants. Quand vous pensez que vous faites un débat et que vous êtes quand même avec Luke Skywalker, Dark Vador et D2R2, c'est quand même déjà suffisamment fort. Et si vous entendez de nouveau t'arrêtes avec ta caméra, c'est que c'est à l'époque où les débats de Gérard étaient filmés en direct pour Fun TV. La suite des débats de Gérard, le best-of 100% GG avec les ovnis sur Fun Radio. Donc on va accueillir Roswelt. Bonsoir. Bonsoir. On va accueillir OT. Bonsoir. On va accueillir Fax Moldor. Bonsoir Gérard. AZT. Bonsoir. Bonsoir. Gizmo. Bonsoir Gérard Chiabodo. J'ai appris pour ton fils, condoléances. Non, c'est bon, tu parles pas de ça s'il te plaît. Ouais. Et on va accueillir Zob. Oh, tu réponds quand on te parle, toi. Oh là, je sens que toi tu vas retourner au standard, mais vite fait, bien fait. Hein. Ouais, ça va se calmer. Bon, alors, la première question. Avez-vous déjà vu des ovnis? Oui. Qui, oui? E.T. Oui, E.T., mais parlez plus fort, s'il vous plaît. Oui, moi, quand je suis venu à Fun et que je t'ai vu. Alors, je répète, je demande à E.T. qu'à me répondre, s'il te plaît, E.T. E.T., oui, c'est moi, je t'ai répondu, Gérard. D'accord. Roosevelt. Oui, moi, j'en ai vu dans mon jardin. Ouais, mais il ressemble à quoi? À des nains. Plein de petits bonhommes verts, tu vois. À des nains de jardin. Voilà, avec des volets rouges. Mais ouais. Attendez, il y a peut-être une question Minitel. Attends, Fox Mulder, une question Minitel. La seule question Minitel que j'ai, c'est GG se prend des ovnis dans le cul à la loco. Est-ce que c'est vrai? Alors ça, celui qui vient de dire c'est pas des ovnis, c'est des bites. Hein. C'est identifié à 100%. Stop! J'ai bien précisé au départ. Avant de prendre avant de commencer les débats, non, on n'a pas parlé de locaux. On n'a pas parlé de d'ailleurs. Donc, Fox Mulder, alors pour toi. Ouais, mais il y en a un juste devant moi, regarde, du rare. D'accord, t'as raison. Bon, c'est bon, oh tu arrêtes, s'il te plaît. J'aimerais poser une question à Fox Mulder. C'est Gizmo, je voudrais lui demander si ça le grattait pas un peu quelque part de travailler avec Dana Scully et de jamais coucher avec. Non, mais et de chercher la vérité un petit peu partout. C'est qui me pose cette question? C'est Gizmo. Ouais, Gizmo, ouais. Dana Scully, je veux dire qu'elle était vachement bonne au lit, quoi. Non, mais non, mais bon, non, moi, mais je regarde vrai, où je veux. Moi, la poitrine, c'est pas trop mal. Moi, je regarde la série, si tu veux, je l'ai jamais vu. Je l'ai vu avec toi. Ouais, mais attends, je l'ai vu avec la série, avec les gens, si tu veux, ils mettent pas les scènes. Ce n'est pas le thème du débat. Excuse-moi, Fox Mulder, mais là, tu mens. C'est le thème du débat. Parce que j'ai vu à la Krichek avec Toots. J'ai jamais vu avec Dana Scully. Gizmo, tu la fermes! Gérard, que penses-tu des femmes au volant d'OVNI? Alors là, les pommes au volant d'OVNI. Ah, les OVNI au tournant. Ah. Oh punaise, la question, elle est vachement dure à répondre. Ça intéresse au tournant. Alors, comment que je vais pouvoir dire bon, de toute manière, c'est sûr que c'est pas évident à répondre à cette question. Non, mais t'en as déjà vu? Non. Ah ouais, c'est cool. C'est bête parce que là, la question, elle est bien tournée, mais je peux pas y répondre, j'en ai jamais vu encore. Donc, pensez-vous avoir vu des ovnis dans votre jardin? Alors... Pas dans mon jardin, dans mon lit. Je peux répéter la question? Bon, allez, dégage au standard. Oh, c'est vrai, ouvrez vos oreilles. Tu le dis, tu me prends quelqu'un d'autre. Bon, Gérard, c'est Gizmo. En parlant de Roosevelt, Gérard Harvey Oswald, pourquoi est-ce que t'as tué Kennedy? Bon, c'est bon, tout à l'heure, Gizmo, tu vas retourner au standard. Tu vas pas m'énerver. Et pourquoi est-ce que t'as fait une queue de poisson à la Mercedes sous le pont de l'Alma? Bon, allez, là, Gizmo au standard. Gizmo au standard, tu dégages. Gizmo au standard. Gizmo au standard, bonne nuit. Bonne nuit, Gizmo. Bonne nuit, Gizmo. Gérard. Bonne nuit. Allô? Qui c'est là? Ah, on n'entend plus Gérard, là. Ouais, c'est bizarre, et ça recommence. On n'entend plus Gérard. Allô, allô. Gérard. Gérard. On n'entend plus. Gérard s'est fait enlever par les ovnis. Non, non, mais là, les Gérard, auditeurs. Là. Non, les auditeurs m'entendent plus. Gérard. Allô, connard. Parle plus fort, Gérard. Gérard. Allô, connard. Connard, t'emmerdes, tu dégages. Ça y est, ça marche. Le mec, tu viens de dire connard, tu le dégages. Gérard s'est fait enlever par les ovnis. Alors, moi, t'as déjà vu des ovnis. Danasculi, c'est le vrai rousse. Je pose la question à Fox. Ouais, non, mais là, il faut pas déconner. Okay, d'accord. Okay, là, ça commence à m'énerver avec les connards, là, que j'ai au standard. Vous vous tenez, on met un disque. Gérard, arrête de dire connard, on va parler. Ah, bah non. Ah, il y a un ovni, là. Ah, bah non. Qu'est-ce qu'on se marre quand même, ça vaut le coup. Arrête maintenant. Non, non, là, il arrête, hein. Il arrête avec ta caméra. Gérard, pose la question. Qu'est-ce que tu fais? La question! Regardez-vous les ovnis? Regardez-vous les ovnis dans les jumelles? Vous réfléchissez à cette question? Ouais, quand ils sont en sous-vêtements. Et on va mettre. Là, tu dégages avec ta caméra, toi, maintenant. Bon, tu dégages! Moi, j'ai pas de jumelles, j'ai deux télescopes. On va mettre deux mouches, les fagots, attention! Allô, Gérard? Bon. Gérard? Non, mais c'est le drap, qu'est-ce que c'est que moi? Non, mais c'est tout ça! Il y a personne, on m'entend plus. Oui, Gérard. C'est quoi la sueur que personne m'entend? Vous entendez, vous entendez Max? Oui, Gérard. Ah bah, et vous entendez Gérard ou pas? Bah non. Bon, Roosevelt. Oui. Roosevelt. ET. Bon, attends, on a quelqu'un aussi. Après, je vous laisse. On a D2R2. Salut. Salut D2R2. Salut, bonjour à tous. Bon, là, j'ai pris un langage que vous pouvez comprendre, mais bon, il va peut-être y avoir des dysfonctionnements pendant le débat, je garantis rien. Non, mais attends, BBR2, s'il y a des trucs dans le débat, tu vas pas rester longtemps avec moi. Hein. Non, mais pour l'instant, j'ai une disquette conforme à votre langage, mais je garantis pas, parce que je suis un petit peu vieux, donc bon... Non, mais de toute manière, vieux ou pas vieux, j'en ai rien à cirer, je m'en bats les cacahuètes. Bon, vas-y, ta question, là, s'il te plaît. Regardez-vous des ovnis dans des jumelles, là? Non. Qui nous regarde? Le premier qui s'amuse à déconner, va dégager vite fait. Goldorak, s'il te plaît. Ah, ta caméra! Bon. Bon, alors, Gugu et BBR2, vous dégagez. Non! Bonne nuit à vous deux! C'est pas sympa! Bonne nuit à vous deux! Bonne nuit à vous deux! Bonne nuit à vous deux! Il n'a rien fait de mal, Gérard. Le mec qui fait... Bon. Allô, ça suffit, là. Allô, Bon, Gérard. Tu me vires les abrutis. Tu me vires. Le standard, tu me reprends tout le monde, moi je continue pas avec la musique. Tu reprends tout le monde. Non, mais t'énerves pas, tu as un ovni sur l'antenne, profite-en. C'est un extraterrestre, il est parlé. On met un disque. À quoi ressemble un ovni dans la bille? Allô. Vangel! Bonjour, arrête de crier, merde. Toi, tu dégages. Bon, déjà... Gérard, tu dégages! Gérard, tu dégages! Gérard, tu dégages! Tu la fermes pour l'instant, je ne sais pas adresser la parole! Gérard, est-ce que tu crois qu'il y a une façon de parler à un ovni? Oh là là! Moi, je serais toi, moi je me méfierais, Gérard, parce que Dark Vador, il a des super pouvoirs méga cosmiques. Est-ce que cinquième tu crois que c'est une façon de parler à nos Gérard? Allez, on s'est désolé, vas-y, non. Allez, défends-toi, Gérard. Allez, défends-toi. Alors maintenant on va continuer on va demander à Roosevelt de répondre à la sixième question. Alors pose la question, Gérard, j'ai pas entendu. À quoi ressemble un ovni dans la vie? Alors donc Roosevelt, il a les yeux bleus, les châtains. Gérard, c'est Dark Pure. Hey, Dark Pure. Oui, Gérard. Oh, Hey, Luigi. Voilà, merci Luigi. Tu es c'est sympa. On se calme s'il vous plaît maintenant. Gérard. Écoute, c'est Dark Pure, je vais te poser. Luigi, tu te calmes s'il te plaît. Gérard. Est-ce que c'est vrai, Gérard, que quand tu dis si, Gérard, est-ce que c'est vrai ou non? On écoute Dark Pure. Gérard, est-ce que c'est vrai que quand tu étais petit, tu as voulu jouer au cosmonaute et tu es rentré dans la machine à laver, tu as fermé le hublot et que ta mère a appuyé par le bouton étonnage rapide? C'est bon. Gérard. Là, tu me prends en gaffe plus haut, j'aime pas qu'on parle sur la famille. Gérard. Gizmo, Gugu, j'aimerais confirmer. Bon, allez, moi j'arrête. Max, tu fais une blague. Pose ta question. Allô. Avez-vous déjà vu des ovnis dans votre vie? Avez-vous déjà vu des ovnis dans votre vie? Oui. Gérard, oh c'est où là? C'est quoi ce bordel? J'ai vu ta cabine. On peut plus continuer. Essaye d'être poli. On entend deux voix. Personne n'a répondu aux questions. C'est pas possible de travailler dans... Eh Max, c'est vrai que t'es pas crédible là comme ça, Gérard. Faudra peut-être que tu la poses la question aussi. Alors pose ta question. Mais j'ai posé depuis tout à l'heure la question. Il est mignon. Maintenant tu te demandes. Non, là je pense qu'on va arrêter. Hein. Pose ta question, Gégé. Je la pose depuis tout à l'heure ma question. De manière... C'est quoi ce cercle là? Je sais pas qui c'est qui. C'est qui au standard, nom de Dieu? Je sais pas. Tu travailles un peu là. Je sais pas. Eh ben, tu les prends tous, merde! Moby sur Fun Radio Remix, c'est 98, Moby Go, et c'est toujours la radio libre 100% Gérard, jusqu'à 3h du matin. On vous passe quelques morceaux qui ont marqué, enfin, les morceaux, c'est bien les remix, hein, inédits, exclusifs sur Gérard, ainsi que des résumés des débats qui ont marqué ces 3 années sur notre ami GG, qui a déposé un ultimatum lundi et qui n'est donc pas là ce soir en direct live au 0877000. On a Arnette qui est avec nous. Ouais, bonsoir. Et qui est allé donc dans la rue pour chercher des témoignages. Ouais. Et qu'est-ce que tu as cherché à savoir en fin de compte? Je tiens à préciser déjà que je suis parti à 6h du mat de chez moi ce matin. Bravo! Pour Gérard. Voilà. Et que je suis rentré à 21h. D'accord. Il faut savoir aussi que j'ai beaucoup de difficultés à trouver des personnes, sachant qu'il y en a deux. D'accord. Susceptible de répondre au questionnaire. D'accord. Et que c'est bien sûr des mecs. Alors, on y va, c'est parti. Première personne que tu as chopée dans la rue, on écoute ça tout de suite. On écoute. Ouais, salut, excuse-moi de te déranger, t'as 2 minutes? Oui, bien sûr, vas-y. Voilà, c'est ça pour un sondage, c'est pour Fun Radio. Tu connais? Oui, bien sûr. Et Max, ça te dit quelque chose? Le garage de la radio. Ouais, voilà. J'aurais une petite question à te poser. Si je te dis Gérard, tu penses à quoi? Alors, Gérard. C'est une grosse merde quand tu marches dessus avec la bouste partout. Et voilà quoi. Rien de plus? Non, rien de plus. Bon, c'est déjà pas mal, tu me diras. Ok, je te remercie. Ah oui, bravo. Donc, déjà pour commencer, le premier, on va dire qu'il va pas dans la douceur. Ah, Arnette? Ouais. Un témoignage pas facile à choper des gens comme ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Bravo. Et la deuxième est un peu plus soft. Quoi. D'accord. Bah, donc, Arnette, encore, je pense que tu vas te faire un copain, Gérard. Ouais, attention, ouais, deuxième personne que tu as été chopée dans la rue à 6h du matin. Ouais, salut, ça va, excuse-moi de te déranger. Ouais, mais fais vite fait, là, je suis carré en double cil avec mon truck. Ok, voilà, ce serait pour un petit sondage. Ouais, c'est pour qui? C'est pour une radio. Ouais, ok, c'est que laquelle? La Fun Radio, tu connais? Ouais, je connais, Gérard, tout ça. Voilà. Ouais, je connais. Ouais. Bon, donc ça serait pour répondre avec une petite question. Déjà, tu t'appelles comment? Je m'appelle Titi, moi. Titi? Ouais. Ok. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses du phénomène Gérard et routier? Parce qu'apparemment, je vois que tu as frère, non? Bah écoute, t'as de la chance, parce que moi, je connais bien le Gérard, je l'ai amené en Allemagne. Et je peux te dire qu'en tant que représentant des routiers homosexuels de France, je trouve ça dégueulasse, ce qu'ils leur font endurer au Gérard. Ils lui balancent du caca, ils leur écrivent des lettres inadmissibles, je te dis. Donc je voulais dire que tous les routiers homosexuels de France, ils sont derrière Gérard. Ok. Pour bien le pousser. Ah ouais, mais c'est pas possible tout ça. Enfin voilà, bah écoute, je te remercie. Ah, je t'en prie. Salut. Ouais, salut. Quelle aisance au micro en tout cas, Arnett. Tu feras un futur reporter d'envoyé spécial. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Bravo en tous les cas. Et on salue tous les routiers qui nous écoutent et qui restent très fidèles à Gérard. Et qui, à mon avis, aussi se joint à ce routier-là, Titi, qui l'avait emmené en Allemagne pour continuer à pousser Gérard. Hein. Donc, Arnett, merci encore. Bah, tiens, tu vas rester avec nous et on va accueillir donc Pierre Fula qui doit être avec nous. Bonjour Pierre. Eh bien, oui. Bonsoir à toute la Dream Tease. La Dream Tears qui est au complet. Bonjour Pierre. Donc Gérard ce soir n'est pas là, mais vous avez décidé de lui rendre hommage. Alors on va vous mettre en fond musical d'après ce qu'on m'a demandé. Crispy Bacon, c'est Crispy ça Bacon. Crispy Bacon, Laurent Garnier. Et ensuite on ira vers un résumé du débat sur le mariage et le ronflement. Plus d'autres remixes, donc c'est pas encore terminé. On envoie la musique. Aïe. Aïe, aïe, c'est parti sur Fun Radio. Wesh wesh aïe, Pierre Fula sur le son FULA, je te raconte l'histoire ce soir d'un mec qui s'appelle Gérard. Wesh wesh. Eh bien oui, aïe, aïe, aïe, Gérard débarque chez le Star System avec tous ses poèmes, son petit format de la bande FM, tous les jeudis soirs, c'est les débats. Bon, maintenant t'arrêtes avec ta caméra, si tu parles de Sandy ou de la grosse Christine, j'arrête le tout, point final à la ligne, faut pas confondre tentacule et encul ta sœur, qui bat le beurre entre les cuisses d'un catcheur. Les auditeurs sont toujours les mêmes, de toute manière c'est comme les poèmes, quand on t'appellera pot de chambre, tu sors, tu iras tout le lit, dans ces cas-là tu me dis Arnett et Tony. Max a souvent beaucoup de problèmes avec celui qui se prend pour le Star System, ni homosexuel, ni hétéro. Le GG est sans doute un trablot. Il peut tout le temps parler aux nanas, mais si elles ne répondent pas, elle dit pétasse, casse-toi. T'as déjà dû raconter l'histoire de Carole. Elle devait être aussi grosse qu'une vache folle. Mais contrairement à Bali Balo, le Gérard était encore puceau. Le gang du Chaperon Rouge a bloqué son tatou. Fini les messages de Jean-Charles et Jean-Loup. Les avocats de Françoise, beau gosse et gueule d'amour, lui envoie du courrier et le harcèle au secours. Sa mère devant la porte et serrure bouchée. Fesse de bois, moi, Constant Fijou, je vous ferai la peau à tous, bande de salauds. On parle souvent des toilettes de la loco. Il a du chiffre à prendre par le mécano. Max demande toujours des filles belles et Gérard ne pense qu'à se faire péter la rondelle, le t-shirt Ricky Martin et la mallette sonne radio. Conclusion du débat, si tu me vires pas l'autre travelot, c'est clair et net, ça va saigner. Les points sur les i et les barres sur les t, l'ultimatum est lancé. Le G, le E, le R, le A, le R, le D, GG de Suresnes. Wesh wesh aïe. Depuis qu'il s'est fait enculer par une lampe torche, une nana ras-le-bol, que tous les travelots dans la rue l'appellent à Luciole. On voit où dans un bordel il se fait rouler les fesses, la tête dans une poubelle en chantant Under Stress. Mais la première fois qu'il a aimé le zizi, ça devait être avec son copain Henri. Tu peux te procurer des vidéos fantasmatiques grâce au fameux François de Belgique, ou en téléphonant au 3668. Gérard peut te faire une fellation gratuite. Et quand il s'amuse à squatter le bois de Boulogne, ce sont toutes ses familles qui s'en fessent le besogne. Dès qu'il quitte le débat, direction le bois. 5 à 6 sodomistes, c'est parti mon kiki. Ses photos les plus sexy sont dans le homo mag. Et maintenant dans la rue, c'est toujours lui qu'on drague. Beaucoup trop d'insultes quand Gérard attaque, d'après les sondages de Goldorak. Et quant à notre Gérard, se pointe à l'antenne, comme par hasard d'une cabine de Suresne. Le GG devient furax et puis se déchaîne. Allez hop, tu dégages, c'est même pas la peine. Le G, le E, le R, le A, le R, le G, le E, le R, le A, le R, le G, le E, le R, le A, le R, le G, le E, le R, le A, le R, le D, Gérard de Suresnes et Campagnard. Aïe, aïe. Oh là là là là, bravo hein. Quel travail hein. Ouais. Eh ben dis donc Pierre Fula, ça nous fait bien plaisir. J'espère que si Gérard de Suresnes nous écoute ce soir, il se rend compte à quel point il peut inspirer les gens. Et donc Pierre Fula qui est quand même... Oui. C'est Axel. Oui. Ah, Pierre Fula est parti, comment vas-tu Axel? Ouais ouais, j'avais... Bah comme je dénonce ce soir, c'est moi qui faisais le faux GG en fait. Oui. Ah c'est toi qui faisais le faux GG? Voilà. Gérard de Suresnes qui voilà, nous écoute GG, ce soir. Ce soir c'était moi en fait. Je suis désolé. Ah voilà, c'est encore une excuse. J'avais, comme à l'époque je faisais des petits poèmes, bah, j'avais un petit poème qui s'appelait « J'aime chanter une dose stress ». Ouais. Et si tu veux, je peux te le lire quoi. Alors vas-y, alors, Undo Stress, et ensuite on va vers. Ah, c'est une exclu parce que là on le savait pas. On savait pas qui était celui qui se cachait derrière Gérard de Suresnes. Et bien c'est celui qui en fin de compte imitait Pierre Fula, on le savait pas. Voilà. Et donc, petit poème, donc voilà. Vas-y. Alors, j'aime chanter Undo Stress quand je suis avec Framboise. J'aime chanter Undo Stress quand c'est les coups de gueule de Françoise. J'aime chanter Undo Stress quand je suis dans les toilettes de la loco. J'aime chanter Undo Stress quand je viens dans les studios. J'aime chanter une de stress quand je pense à Feuille de Rose. J'aime chanter une de stress quand Carole me propose de belles choses. J'aime chanter une de stress quand je bois trois Ricard. J'aime chanter une de stress quand ma caille et la crapette sont au standard. J'aime chanter une de stress quand je feuillette au Momag. J'aime chanter une de stress quand dans le bois, le soir, on me drague. J'aime chanter une de stress quand Goldorak fait ses sondages. J'aime chanter une de stress quand je dis allez hop, tu dégages. J'aime chanter une de stress quand Amédée fait oulala. J'aime chanter une de stress quand Jean-Charles me dit assis-toi là. J'aime chanter une de stress quand je suis avec Caramel. J'aime chanter une de stress, mais il m'a dit tu dégages, espèce d'homosexuel. Point final à la ligne. Bravo! Et tu sais quoi? Tu sais quoi, mon grand? Bah, maintenant que t'as annoncé que tu étais le faux Gérard, bien entendu, ça sonne dans le bureau. Et à mon avis, le vrai Gérard de Suresnes est en train d'exploser. À l'idée de savoir qu'il avait bel et bien raison, qu'il y avait quelqu'un qui se cachait derrière ce soi-disant Gérard de Suresnes. Eh ben, c'était lui? Ouais. Qu'est-ce qu'il disait? Il veut savoir qui c'est! Bah, je sais pas, mais on connaît pas son identité, malheureusement. Et c'est vrai que tu es le seul auditeur qu'on ne rappelle pas, parce que tu ne veux jamais qu'on t'appelle. Et, t'es le seul auditeur qui passe directement sur l'antenne d'une cabine téléphonique. Et donc, on ne connaît pas, malheureusement, enfin, tant pis pour Gérard et pour nous, ton identité et un numéro où on peut te joindre. Voilà, donc, c'est... Gérard, c'est baisé, quoi. Voilà, donc pour l'instant, Gérard, on ça ne peut pas... Ça va encore continuer cette année, à mon avis. Bah, j'espère qu'on ne sera pas voir. C'est vrai que tu as tellement la même voix qu'on n'arrive pas à savoir qui est le vrai, qui est le faux, en tous les cas, bravo. En fait, je crois que j'ai plusieurs personnalités en moi, quoi. Bah, peut-être, on ne sait pas. Bah, écoute, on te souhaite bon courage, en tous les cas, pour la suite des événements. Pas de problème, bonne bourre. Et tu restes bien fidèle à Fun Radio. La nuit n'est pas encore terminée, ouais. Puisque dans une fraction de seconde, il va y avoir le débat sur le mariage, qui dure 3 minutes, qui est assez folklorique également. Suivra juste derrière le débat sur les ronflements. Et ensuite, on ira du côté des Daft Punk, Das Fuck, avec Burning sur Fun Radio. C'est toujours la radio libre 100% Gérard. Jusqu'à 3h du matin, on met le feu de l'autre côté de la radio. Voici le résumé pour continuer sur... Ben joué. Bon, alors maintenant, je vais vous poser la question. Donc, vous allez répondre chacun votre tour. Je sais que c'est la première question. C'est une question vraiment bidon. C'est êtes-vous pour ou contre le mariage? Alors moi, bon, salut, c'est Thierry de Rennes, donc. Oui, vas-y. Je suis animateur dans une discothèque et, moi, je veux dire, je suis contre le mariage parce que, une fois qu'on est marié, on peut plus se faire sucer sous la console. Mais ouais. Je suis pour le mariage parce que, d'un autre côté, une fois qu'on est marié, on peut se faire sucer sous la console. Bon, ça va, là, je vais dire une chose, Thierry. Oui. T'es carrément à côté de la plaque. Gérard, Michel. Ouais, Michel. Michel, je t'écoute. Oui, ben, je voudrais te poser une question sur Christine et le mariage. Non, non, alors c'est bon, Michel, tu retournes au standard. Bonne nuit. Allez, hop. Au revoir. Ouais, au revoir, Michel. Donc, comme tout le monde parle, hop, c'est bon. On enchaîne. Pensez-vous au mariage. Pensez-vous au mariage. C'est bon. Gérard. Ouais, maintenant vous allez me fermer. Ouais, c'est bon. Bon, hey. Ça va. Tu me vires, Thierry. Tu me vires. Ça va. Tu vires Thierry. Marcel, Pascal. Gérard, avant de me virer. Tu vires Pascal, Marcel, Chris et Thierry. Tout à l'heure, il y a Michel qui a dit sur Internet que t'allais te marier avec Arnette, je crois. Allez, c'est bon. Tu me vires tout ça. Allez, tu me vires tout ça. Tu vires tout le monde. Tiens, j'en sors. Allez, tu le chopes. C'est mieux. C'est bon, allez. Allez, Gérard. Bonne nuit à celui-là, Billy. Billy, bonne nuit. C'est qui? Gérard, c'est pas Billy qui parle. Hein. C'est Gérard, on n'a rien dit encore. C'était l'autre. Billy, il est sage pour l'instant. C'est qui? Ça va, Billy. Allez, là. Dehors, celui-là. Dehors. C'est Billy. Dehors. Je crois que c'est Jean-Pascal, je vais le dire. Tu me chopes le mec, tu me l'es pris. À la poubelle. Dehors cela. Gérard, tu serais pour un mariage homosexuel ou pas? Non. Pourquoi pas? Contre. Et un mariage homosexuel. Un peu l'envie. Cracher ta main dedans, c'est pas le meilleur. 5 minutes maintenant. Ah, on entend pas. Sortez, Gérard. Ouais. Y'a la main. Gérard là. Allô? Gérard? Il est où? Gérard on t'aime. Les poèmes de GG. Sont priés de baisser leur radio, merci. Voilà. Gérard, dans Star System, c'est ça. Il était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. Michel. DJ Michel, yes. Je t'écoute de New York City. Non, non, mais c'est bon, tu dis bonsoir. Oh, tu dis bonsoir et tu la fermes. Hello, Michel. Gérard. Oh, tu dis bonsoir et tu la fermes. Il est 19h15 à New York. Je t'écoute sur Internet. Est-ce que votre copine ou votre copain ronfle la nuit? Donc, Claire. Eh ben écoute, moi, mon copain, il ronfle pas, mais il respire très fort. Mm-hmm. C'est un peu pareil, quoi. D'accord. C'est chiant. Mm-hmm. Barbara. Moi, mon copain, il ronfle. Hein. Donc, mm-hmm. J'essaie de m'endormir avant lui, et quand je m'entends ronfler, je lui demande de se tourner, il se tourne et il ronfle plus. Mm, ok. Et il bave aussi, c'est un peu. Hein? Il bave aussi. Ah bon. Rita. Bonsoir, Gérard, mon petit lapin en sucre. Bonsoir, ma chérie. Ça va, Gérard? Je sais pas, j'ai pas regardé ce matin. Gérard. Donc, pour toi, Rita? Bah, moi, j'ai un copain qui arrête pas de ronfler. Mm-hmm. Et je lui donne des claques. Et ça me réveille. Ouais, mais alors, c'est peut-être pas la meilleure solution, hein? Ah, mais si, parce que je lui donne des claques. Mm-hmm. Et je lui suce sur son nom tout doucement. De quoi? Je lui suce sur son nom. Ouais, d'accord. Je lui suce son nom à l'oreille. Il ronfle la trompe. Ouais. Fred? Ouais, bah écoute, moi j'ai pas de copine, c'est Fred, moi j'ai pas de copine, mais j'ai un chat et ouais, il ronfle. Non, on en a rien à foutre que t'as un chat. Attends, mais il y a un chat, il dort avec moi sur mon lit, et mon chat, il ronfle. Voilà, il s'appelle Gérald et il ronfle. Comment il s'appelle, Gérald? Gérald. De quoi, qu'est-ce que tu viens de dire, Fred? J'ai dit que mon chat s'appelait Gérald en hommage à quelqu'un. Oui, d'accord. Mais tu t'appelles pas Gérald? Non, mais je te préviens d'une chose. Ça ressemble un peu quand même, hein. Ça ressemble. Non, mais c'est Gérald des G-Squad, attention. Ouais, non, mais je te préviens, tu as intérêt de rester poli, s'il te plaît, parce que sinon tu vas germer vite fait. J'ai dit Gérald. Moi, je dors avec mon ordinateur, il ronfle pas. Ouais, d'accord. Tu dors avec ton ordinateur, bientôt, moi, je vais te faire dormir avec un téléphone aussi. Tiens, j'ai du pistolet, je n'ai pas d'amis. Je suis désolé, merde. Merci pour le Larsen. Deuxième question. Reflez-vous souvent en conduisant? Alors, Claire, en conduisant. Bah écoute, Gérard, jusqu'à preuve du contraire, je m'endors pas quand je conduis. Mmh. Donc, à mon avis, pour ronfler, il vaut mieux dormir. Donc, non, je ronfle pas quand je conduis. Ok. Donc, Barbara? Moi, je ronfle pas en conduisant. Par contre, ça m'arrive de ronfler en prenant l'ascenseur et ça m'inquiète. Ah bon, ah, d'accord. En montant ou descendant? Ok. Rita? Moi, mon petit sucre d'orge, ben, jamais je n'ai ronflé en conduisant. Mmh. Bon, ah. tu commences pas, Olivier, s'il te plaît. Ah, c'est ce qui arrive. Non, mais tu t'amuses pas comme ça. Tu as pas commencé le premier débat, là. Sinon, j'arrête là. Fred. Ouais, ben moi, je sais pas, je dors, donc je me rends pas compte si je ronfle, quoi. Ouais, d'accord. Quand tu conduis, tu dors. Bah, écoute, pour ronfler, je vais pas ronfler réveillé, abruti. Bah, abruti toi-même. Bah, écoute, il faut bien que je dorme si je ronfle. Non, mais attends, déjà, est-ce que tu ronfles en voiture? Bah, si je dors, ouais. Ah ouais, tu dors, tu conduis en dormant. Bah, écoute, si je conduis en ronflant, je conduis en dormant. Non, mais attends, et mon pote, là, je crois que t'as des casses de vide. Hein. Non, mais toi, tu ronfles pas réveillé, faut dormir pour ronfler, t'es bien d'accord, GG? Attends, pour conduire, faut dormir. Non, pour ronfler, il faut dormir. Ouais, ben, je te demande si tu ronfles en conduisant. Donc, si pour pouvoir ronfler en conduisant, il faut que je dorme. Ouais. Donc, je m'en rends pas compte parce que je dors. Donc, je sais pas si je ronfle, c'est clair. Ouais, ben, tu sais pas si tu conduis non plus. Bah, ouais, a priori, ouais, t'as raison. Donc, moi, c'est vrai, j'ai pas d'où t'as cette source, mais je ronfle en dormant. Mm-hmm. Ah, ce qui se passe, c'est que je dors en même temps que je conduis. Ah, bah, tu donc, vois. Je me prends un mur. Je dirais pas sous quel pont. Ouais, bah, allez, c'est bon. Allez, hop. Il a pas dit pour l'Allemagne. Écoute, je m'endors, je me tape un mur, donc l'airbag il s'ouvre et hop. Sous quel pont c'était? C'était l'Allemagne, il t'a dit. Voilà, hop. D'Avignon. C'est bon, c'est le pont d'Avignon, Gérard. Non, c'est bon. Il y a des crashs. Merci pour Larsen, tu prends donc Gilbert et c'est bon. Non, mais c'est bon. Donc. Gérard, comment tu peux savoir si tu ronfles ou tu ronfles pas? L'autre fois, t'étais tellement bourré, t'es rentré chez toi, t'as fait caca sur le paillasson. Bon, Manu, s'il te plaît. Ok, Gérard. Hop là. Dehors pour lui. Dehors pour lui, ça y apprendra. Troisième question. Le ronflement vous gêne qu'il dans l'avion? Et on pense, je ronfle comme un cochon avec un doigt où je pense. Hop. Et on se retrouve tout de suite après. Donc, Claire. Le ronflement me gêne-t-il en avion? Bah oui, c'est chiant. Ouais, mais par exemple, si quelqu'un est à côté de toi pendant 3 ou 4 heures d'avion. Ouais. Tu as déjà pris l'avion, je vois. Ouais, c'est... Oh, je dis à DJ Michel de le virer. Non, mais Claire, répondez à la question là, Claire, continue de répondre. Bah oui, ça me gêne. Je le prends par la fenêtre, tu vois. Je le prends par la peau du cul et je le jette par la fenêtre. Ouais, mais attends, par un houblot, tu vas ouvrir le houblot. Bah oui, bah oui, bah oui. Bien sûr, ça se trouve. Oui. C'est une fenêtre. C'est ça. Moi, j'ai déjà vu des films. C'est affreux de ronfler. Mm-hmm. Des dépressurisations de cabine mais, et puis après. Mais non. C'est l'avion, il tanguait un petit peu. Donc, Barbara. Oui, bah moi, ça me gêne pas parce que je prends pas l'avion, donc les gens peuvent ronfler. Ouais, mais est-ce que t'as déjà pris l'avion? Oui. Les gens ne ronflaient pas, donc je peux pas dire. Si oh, allez bien, s'il te plaît! Bon, allez, moi j'arrête. Il y a des gens qui pensent. Gérard, c'est bon. Olivier, ça commence à bien faire! Reste, please, Gérard. Gérard, tu peux poser une question? Bon, Gérard, on pourrait continuer? Allez, on continue. Bon, celui qui ronfle, t'arrêtes? Mais n'y pense pas, celui qui ronfle, t'arrêtes! C'est un débat sur les ronflements. Bah, il faut le réveiller, hein! Bon, Hélène, ça commence à bien faire! Oh pense au coton-tige. Voilà, pense au coton-tige. Alors, Barbara, bonne nuit. Comme par hasard. Oh. Barbara, allez, bonne nuit. Eh ben voilà, Barbara, salut. Bon, allez, hop, Barbara, allez, hop, bonne nuit. Y a-t-il un moyen pour arrêter le ronflement? Oui. Claire? Oui, il y a un moyen. Il faut savoir que le ronflement, c'est quand même une maladie. Mm-hmm. Ça se soigne et qu'on peut se faire opérer pour arrêter de ronfler. Ouais. C'est-à-dire? Eh ben, c'est-à-dire que ça se passe dans la gorge, ou je sais pas quoi, et voilà, tu vas un spécialiste, et il y a pas de problème, il t'opérera par laser, ou je sais pas quoi, et puis voilà. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Bon, les trois filles, si vous avez un copain qui ronfle, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, moi, je lui demande de se tourner. C'est qui? Voilà. C'est Barbara. Je lui dis, écoute, tu ronfles, tourne-toi et. Ouais, mais t'es obligé de le réveiller pour. Pas du tout, c'est ce que tu crois. C'est une bonne méthode parce que moi aussi je lui demande. En fait, dans son sommeil, il se tourne tout seul. De se retourner, hop là, la surprise, hop là. Ouais, c'est juste. Tu te tais, s'il te plaît, pour l'instant, c'est des réponses sérieuses qu'on a, c'est pas des conneries. Non, René. Sérieux. Tu ronfles, t'es dans un sommeil léger et tu entends ce qui se passe autour, mais tu es inconscient. Elle a dit toute la vérité. Ouais. Bon, et ben moi, je fais une petite. une petite fellation. Ouais, si ça. Bah, dis-le. Je vais pas aller jusque-là, mais c'est pas loin, tu vois. Ouais, bah, tu fais une fellation, c'est bon. Bien, tu m'entends de Je serais peut-être un peu plus câline que ça. Ah, ok, bon, moi, j'adore les câlins, ok. À chaque fois, toutes les semaines, je le dis que j'aime bien les câlins, donc ça commence à bien faire. Moi, j'ai les mains douces. Oh, ta gueule, toi. Non, mais attends, le rire de Guenon, là, c'est bon, hein. Enfin, bref. Mais elle aime ça. Il a ouais, c'est bon. Sa copine de l'intérieur. Donc, Claire. Non, Christine. Oui. Bon, allez, hop, moi, j'arrête. Mais attends, Gérard. Dégage, quoi, parce que tout à l'heure, c'est éclaté, là, avec ta caméra. Non, bah, alors, moi, profitez-en, parce que là, ça commence à bien faire. Pensez-vous qu'on peut ronfler lors d'un mariage ou d'un divorce, Claire? Ah, moi, j'ai lu dans VoiceHack. Non, mais arrêtez de me dire que vous avez lu dans des magazines, parce que pour l'instant. Bah, écoute, on te donne des sources. Oui, non, mais moi, je vous demande, est-ce que vous l'avez déjà vécu ou pas? Je vous demande pas de me sortir des trucs des magazines. Des trucs de magazines, j'en ai rien à foutre. En fait, c'est surtout dans attends, les enterrements. Thierry, 5 minutes. C'est surtout dans les enterrements et les mariages que les gens ronflent. Moi, je n'ai pas vécu de ça. Je l'ai lu dans VoiceHack et il le disait. D'accord. Alors, Thierry, il y a un proverbe tibétain qui dit mariage en ronflant, divorce en pétant. D'accord, ok. Bon, allez, hop. Terminé pour vous. Donc, conclusion. Thierry, ta conclusion? Réveille-toi, parce que. Je pense qu'il faut, à partir d'un certain moment... La conclusion! Mais c'est la conclusion, ça! Bah, écoute! Mais je pense que la périodicité menstruelle des femmes ne permet pas le ronflement, c'est tout. Ok, d'accord. Ben, bonne nuit à toi. Hein. On reprend quelqu'un d'autre pour le deuxième débat. Pas de problème. Donc, ma conclusion... Okay, comment? Input line. Comment? J'ai vaguement entendu le mot connard. J'ai entendu, Gérard, c'est Fred. Ouais, ben alors, Fred, bonne nuit à toi. À toi. Rita. Oui, bah donc ma conclusion, c'est que, bon, la meilleure solution, c'est de donner des baffes. Hein. D'accord. Voilà, toute sensuelle, toute fine, et puis voilà, c'est bon. Barbara. Y aurait-il envie sous roche? La conclusion, bah oui, c'était bien. D'accord. Et alors, donc, pour toi, le ronflement, qu'est-ce que t'en penses? Personnellement, ronfle qui voudra la nuit, et c'est tout. Tu t'en fous? Voilà. Merci encore d'avoir passé la nuit avec nous, c'était fort chaleureux et puis on aura le plaisir de vous retrouver. Bah non, c'était le dernier débat de Gérard, quand même, il faut quand même le signaler. Alors comme c'est le dernier débat de Gérard, et pipi. Ouais. Et pipi. Ouais. Et pipi. Ouais. Un tic. Ouais. Un tic. Ouais. Un tic. Ouais. Atik. Atik. Atik, Atik, Atik. Allez, Gérard, montre-nous tes fesses. Allez, Gérard, montre-nous ton cul. Allez, Gérard, montre-nous tes fesses. Allez, Gérard, montre-nous ton cul. Chica chic! Aïe aïe aïe! À content tuge! Gérard! Gérard! Gérard! Gérard! Gérard! Max! 22h sur Fun Radio. Comme dirait Gérard, les Das Fuck sur Fun Radio dans la radio avec Burning! Qu'y a-t-il au-delà de l'univers? Aujourd'hui, un message nous est parvenu. Équipe entraînée par à sa recherche. Ils sont préparés à tout, sauf à l'inimaginable. À bord, une forme de vie s'est manifestée. Bonjour à tous. Le déformé, actuellement au cinéma. Les débats, pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. C'est la radio 100% Gérard ce soir. Depuis minuit, on est là, on vous offre le meilleur des remixes, des bandes annonces, des exclusivités. Ce n'est pas encore terminé, bien que nous soyons dans la dernière ligne droite jusqu'à 3h du matin. On va vous offrir dans une fraction de seconde un résumé également là qui vont, sans pesant de cacahuètes. Effectivement, il y en a des dizaines et des dizaines à vous passer. On a choisi celui des ronflements. Et après celui des ronflements, il y aura un remix également qui a beaucoup marché, c'est Vous vous la fermez. Ouais. Alors celui-là, c'est un remix qui a excessivement fonctionné. Et on terminera en apothéose avec des hurlements, avec un résumé qu'il avait voulu faire sur lui. Il avait voulu faire un débat sur lui-même, GG. Un débat sur lui. Et plutôt que de faire un résumé où ça hurlait tellement, on avait fait un petit medley des plus gros hurlements de ce débat pendant 4 minutes 30. Ça n'arrête pas de fuser dans tous les sens. Donc faudra penser à baisser le son plutôt que de monter le son de la radio. Mais pour le moment, encore un résumé d'un débat de GG comme chaque jeudi, celui des ronflements sur Fun Radio. Michel. DJ Michel, yes. Je t'écoute de New York City. Non, on vient de l'écouter. Ah, mec, là. C'est quoi ça? Ah oui, non, je me suis gouré. Ah ouais, c'est pas grave, on est moins de 50. Ah bon, c'est pas grave. On a déjà fait des ronflements? Bah oui, on vient de le faire. Ah merde, c'est pas celui que je voulais mettre. Qu'est-ce que je voulais dire? DJ Michel, Internet. Bah non, mais on l'a déjà. Bon, c'est pas grave, en attendant. On a déjà qu'on l'a déjà fait celui-là. Bah oui, on vient. DJ Michel, c'était à l'instant. Ah merde, j'ai fumé la moquette. Ah putain, on est moins de 50 sur Internet, c'est pas grave. Bon, donc en attendant que tu trouves un autre, parce qu'il y en a des dizaines. Vous me dites rien, vous. Bah si, on vient de s'en apercevoir. Bon, on fera le débat sur les cunis. Ça c'était un bon débat. C'était un bon débat. Ah si, c'était un bon débat. Bon, par rapport donc à Gérard qui n'est pas là, je voudrais quand même lui annoncer, même s'il écoute, qu'il y a un film qui va sortir par rapport à ces nombreux débats. Ah bah, on a entendu les bandes annonces tout à l'heure en plus. Voilà, en plus, qui va s'appeler Arma Gérard. Donc en fait, c'est l'histoire d'un coton-tige géant qui file tout droit à la vitesse de la lumière vers la Terre pour la détruire. Mais seul un homme pourrait sauver la Terre en s'enfonçant, le coton-tige dans le cul. Gérard de Suresnes y arrivera-t-il? Scénario du cabinet des examinateurs. Voilà, on a reçu ça. Et un autre truc. J'ai eu des petits trucs parce que la presse était au courant donc du best-of de Gérard et nous a envoyé des dépêches. Donc une dépêche de l'AFP. C'est pas grave, Manu rigole. Hein. Je rigole. Qui compilait les apparitions de Gérard. Alors on apprend que il a fait plus de 8000 free poèmes partis dans des caves. Bravo. 2000 danses sauvages dans des cages du Banana Café. 3000 concours du plus grand buveur de bière à la paille. 42000 apparitions la quéquette en l'air sur son balcon. 312 passages sur Skylock et 522 passages sur Europe 1. Eh ben, c'est un peu honteux. Et donc ça, ce sont des chiffres officiels que vous êtes allé récupérer. Ouais. Et tout à fait. Et il y a eu un autre truc qui m'a super étonné, c'est qu'on apprend que Gérard s'est mis à son compte. Il aurait acheté, il y a deux semaines, une boutique de lingerie Place Pigalle, nommée J'ai une ficelle dans l'arrêt. Et l'article le plus réputé, ce serait le string en cuir avec des clous sur la ficelle. On va acheter pour moins de 2 euros. Donc je sais pas si c'est vrai, faudra aller voir donc Place Pigalle. Hein. À vérifier devant la loco en plus. Voilà, donc comme demain soir on sera à la loco, on en profitera pour vérifier tout ça. Pour me rattraper, puisque je me suis gouré sur le ronflement, j'allais vous remettre le même. On va mettre les débats des cunis, mais comme vous parliez des contentés, je vois aussi un petit cadeau exclusif Fun Radio. Donc Christine, on le rappelle, c'est l'ex de Gérard. Ouais, mais en gros, je suis pas mariée avec lui. C'est l'ex de Gérard. D'accord. Voilà. Quels sont les bons souvenirs que t'as de GG? Que j'avais bien rigolé avec lui. Au début, il était sympa. Trois mois. Quel est le pire souvenir que tu as de Gérard? De piquer mon argent. Ah non, mais tu piques mon argent. Ça va m'emporter. Aujourd'hui. aujourd'hui, si Gérard, tu l'avais en face de toi, quelles sont les questions? Qu'est-ce que tu lui dirais? La première chose que tu auras envie de lui dire, c'est quoi? Tu pues, ouais, c'est vrai, c'est la foi. Tu vas te laver les fesses, tu pues. C'était quoi la position préférée de GG? Bah, il montait sur moi, c'est tout. Il fait ah, vas-y, c'est bon. Tu sais qu'est-ce qu'il aime bien? Ah non! Mettre la contentille dans son cul. Quelle est la dernière chose que tu dirais sur Gérard? Un con. Ouais. Le roi. Le roi des cons. Ouais. Mais ta contente ta son cul. Carole, bonsoir. Bonsoir mon amour. Bonsoir ma chérie. Lolita, bonsoir. Rebonsoir. Karima. Bonsoir. Un peu plus de pêche parce que tout à l'heure tu as retourné au standard. Vite fait, bien fait ma chérie. D'accord? Oui, allez, calme-toi. Hein? Simon, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Gérard. Je suis vachement fier de pouvoir participer à vos débats et je voulais savoir si je pourrais vous tutoyer. Ouais, pour l'instant, vous l'affirmez, j'ai pas fini les présentations. D'accord. Maïva, bonsoir. Ben, rebonsoir Gérard. Rebonsoir Maïva. Alors, que pensez-vous des cunnilingus? Donc, on va demander à Maïva, tiens. J'adore les cunnilingus parce que quand elle a petite langue, je le disais tout à l'heure, mais ouais. C'est pas le deuxième débat, du gars. Ouais. Il vient de titiller, ça fait des frissons partout. T'as la pointe des tétons tout de suite. C'est agréable. Ce que je préfère, en fait, c'est quand le mec a une petite barbichette ou une moustache. D'accord. Comme moi, j'ai une petite moustache, c'est ça? C'est vrai? Ouais, il a une petite moustache. Bon, c'est pas grave. Ça peut être agréable avec toi, alors. Non, c'est bon, Maïva. On en discutera plus tard. Simon? Oui, pardon? Tu travailles? Oui, je me réveille. Moi, je voulais simplement savoir, parce que je suis un super admirateur, j'aimerais savoir... Allô? Bah, oui. Écoute-le, Gérard. Hey, Gérard, j'aimerais savoir, si le matin, tu prends du pédigrépal ou des fréquilles? Non, mais attends, et ta connerie, elle est faite avec quoi? Excuse-moi, Gérard. Elle est faite avec quoi, ta connerie, Simon? Avec des os de lapin? Ouais, t'as raison. Bravo, Gérard, bravo, mon amour. Bon, alors, du sable. Simon, ça t'apprendra. Hein. Ouais. Tu vois, je crois que maintenant... Gustave. Oui, je vais essayer de relever un petit peu le niveau du débat. Ouais, oui, ben, avec toi, parce que sinon tu vas faire comme Simon. Hein. Je suis tout à fait réveillé. Bon, allez, vas-y, réponds-nous alors. Couche. Donc, couche sur la question, tu réponds ou quoi? Oui, oui, ben, c'est ce que je veux. Ah, tu te pagnes. Mais oui, mais vous me coupez à chaque fois, c'est un petit peu embêtant. Donnez mon temps et vous me coupez, oh, oh. Non, la question. Je te coupe la queue du lapin, moi. Ouais. Bravo. Ouais. Ouais. Karima, ce qu'elle pense du cunnilingus, elle adore ça, mais en fait elle adore, elle aime bien si c'est... L'amour de ma vie là. Alors, moi j'aime bien qu'on me fasse des cunnilingus parce que je jouis très facilement avec, j'aime bien en faire aussi, et j'aimerais bien savoir, Gérard, si tu aimerais bien m'en faire. Je te répondrai... tu réponds devant l'antenne, Gérard. Eh ben, je vais te répondre en direct, si vas-y. Tu veux. Vas-y. Eh ben, je préfère te le faire, mais oui. Quand tu seras avec moi, là, chez moi. Oh là là, pourquoi tu dis t'es contente? T'es contente, Carole? Oui, donc s'il te plaît, finalement. Eh ben, pour l'instant, tu m'as dit qu'on restait de copains. De bons copains, amis, et puis après, on verra. Alors maintenant... Moi, je te dis, si tu me fais des avances comme ça, il n'y a pas de problème. Si tu veux, moi... C'est Lolita, je suis un peu jalouse, là. Allez, moi aussi, hein, Gérard. Non, mais moi, Gérard, c'est pas toi, les filles. Oh, Lolita, Karima. Et Maïva, pour l'instant, vous taisez. Gustave, Simon, vous la fermez. Vous la fermez, je réponds à Carole. Elle a vu mes gros seins, Gérard. Moi aussi j'ai des gros seins. Il a touché tes gros seins. Putain, mais merde, hein. Ouais, elle m'a même touché le cul. Menteuse. Oh là là. Ah si, Gérard, sans faire exprès. Sans faire exprès, tu m'as touché les fesses. Oh, la menteuse, elle est amoureuse. Oh, la menteuse, elle est amoureuse. de Gérard qui prend feu là, il n'a pas le studio. Ah, c'est quoi là, cette merde là? Mais Rafik, crie pas, mon amour. C'est inadmissible. D'accord. Non, allez, on dégage. Dégage. Donc, ma petite Carole adorée. Vas-y, continue. Quand tu veux que je t'en fasse un, tu me le dis, tu viens à la maison et... Ah non, mais ça se fait pas comme ça, hein. Ah, moi, attends. Il faut m'expliquer comment on le fait. Il a la langue crapeuse. Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Bah moi, si tu me dis pas comment on fait, moi, je vais avoir peur, hein. Attends, déjà, comment qu'on fait? Donc, déjà, je vais te bouffer ta petite chatte. Ouah. Et après... Qu'est-ce que c'est vulgaire? Mon ta gueule, toi. D'accord. Mais ma chatte, elle est rasée, oui, hein, monsieur. C'est très bien. Ah, mais alors, j'aime pas les chattes rasées. Ah, bah désolé, j'ai laissé pousser les poils, alors. Merde, c'est con, parce qu'avec les moustaches, ça va piquer. Christine, elle avait la chatte rasée? Je réponds pas là-dessus. Bon, Gérard, quatrième question. Une femme aime-t-elle faire un cunnilingus? Alors moi j'aime bien faire le cunnilingus à une autre femme. Qui? Carole. Mm-hmm. Lolita. Oui, bah oui, j'attends qu'on me laisse. Voilà, ben, donc je moi, moi personnellement je l'ai jamais fait parce que je suis pas gouine et j'aime pas les nanas, donc je pense et j'espère ne jamais savoir ce que c'est. Oh là là. Oh, attends. La coiffe. T'as jamais goûté? Non, j'ai jamais goûté. On peut très bien être une chaude et pas aimer les nanas. D'accord. Bon, bah Lolita, je te prends à la prochaine pause en antenne. Bon, Carole, d'accord, je te prends en antenne. De toute façon, Carole, c'est une pute. J'ai mal entendu le mot. Est-ce que Carole, Lolita? Attendez. Carole, c'est ta mère. Bon, alors, qui c'est qui vient de dire ça? C'est les filles. Je l'ai vu. Bon, qui c'est qui? La master pute. Quoi? Bon, allez, le mec dehors. Gustave ou Simon dehors. Hop, bonne nuit. C'est la pute du Poisson-Rennes. C'est pas parce que j'aime bien Carole que je vais traiter de pute quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est pas ça. Karima. Oui. Quoi? Karima. Quoi? Tu réponds, s'il te plaît, à la question? Quelle question? Bon, allez hop, dégage. Allez hop, fout de ta nuit. Gueule. Allez hop, fout de ta gueule, c'est incroyable. Bah, Karima, tu vas bien. Là, c'est la première nana que je viens de la soirée. Elle, tu me l'as dit. Allez hop. Allez hop. Arrête de crier. Maïva, s'il te plaît, tu réponds. Oui, alors moi, je n'ai jamais eu l'occasion de faire un cuni, mais je suis pas du tout contre l'idée. Mmh, okay, c'est-à-dire? Ah ben, c'est-à-dire que si j'avais l'occasion de rencontrer une fille un petit peu chaude et qui puisse m'apprendre tout ça, ce serait avec grand plaisir que je mettrais ma petite langue. Ouais, mais de toute manière, t'as pas besoin d'avoir une nana spécialement avec toi. Tu peux très bien tomber sur un mec. Ah, mais alors là, c'est pas un cunilingus, c'est une fellation. Et par contre, pour les fellations... Bon, toi, tu te tais pour les fellations. Ta gueule. Avec moi, Gérard, pourquoi tu pleures? Non, c'est pas moi, t'inquiète pas. Ah, d'accord. Gérard, si tu veux, je peux même passer un petit peu plus tard après ton émission. Attends. Et j'aimerais bien être la première à te dire en direct. Qui c'est qui propose? Qui c'est qui? C'est Maëva, et je voulais même te dire que j'aimerais bien être la première à pouvoir te dire en direct. Ah, bah alors, dans ce cas-là. Alors, dans ce cas-là, tu es Maëva! Oui, Gérard. On se calme. Oui. Maïva. Oui. T'habites où? J'habite à Paris. À Paris. Viens. On se calme. Tu finis à quelle heure, Gérard? Gérard, j'ai perdu ça en direct. Pour la première fois. Maïva, ma chérie. Tu passes sur Twitter. Maintenant, le temps d'arriver, je peux être là dans 3 quarts d'heure. Très bien, mais on t'attend. Sans problème, on t'attend. Attends, il est -5. Ça fait 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ça fait 4h25. Ça fait 3h35 exactement, je t'attends. Et tu m'éteins le... Je t'éteins quoi? Gérard, est-ce que tu peux parler plus lentement, s'il te plaît? Je vais jouir, là. Bon, pour l'instant, celui qui a envie de jouir... Oui. Toi, tu dégages, je te le redis pas trop fort. Allô, cher copain, Maëva, c'est Caramel à l'appareil. Continue. Gérard, quatrième question. Allô, c'est Caramel. Continue, Gérard, je vais jouir. Et Caramel, pour l'instant, tu fermes ta gueule. Pourquoi les nanas aiment faire un cunnilingus? Vous faites jouir, c'est Caramel, je suis avec Maëva. Gérard, vous faites jouir. Comment tu fais un cunnilingus avec ta sucette? Tu finis à quelle heure? J'ai fini à 4 heures. Il finit finis à 3h, Gérard. Non, je finis à 4h, justement. Carole, on donne rendez-vous à 4h devant la radio. Et qu'est-ce qu'on va s'écouter? Non, mais petit coup, c'est agréable. Non, mais les filles, pourquoi vous faites mal à Gérard comme ça? Vous lui dites des trucs, c'est même pas vrai. Mais non, mais c'est sérieux, moi je suis complètement prête à venir. Elle est en direct. Bon, bah vas-y, raccroche, bien. Petit coup, c'est agréable. Bon, maintenant qu'on sait que t'es un alcoolique, est-ce que tu peux poser ta prochaine question? Ta gueule, toi, tu vas te reculer, connard. On n'entend rien, là. Je suis là, mes chéris. Oh, qu'est-ce qui se passe, là, encore On n'entend rien, là. Lita, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Allô, Carole? Il est où, là? Carole, tu m'entends? Oh, c'est quoi, là? Tu me fais Olivier? Allô, tu m'entends? Allô, merde! Olivier, tu me fais chier, là. Allô, il y a quelqu'un là-dedans, à la poste, ou quoi? Parce que tu n'es pas devant ton micro. Je vais réagir sur l'homosexualité, c'est vrai que... Dégagez ! Allô, c'est Michel de Tarascon, j'ai 47 ans. C'est pas celui-là, là ! C'est pas lui qui mène les débats ! Mon ami ne me fait plus de cunilingus, je suis homosexuel, je m'appelle Michel, j'ai 47 ans, de Tarascon. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Allô, Gérard ! Je le cherche. Allô ? Non, mais attends, il t'assure tout le monde ! C'est le bordel ! Vas-y, reprends le débat, Gérard ! Pensez-vous qu'un cunilingus fait mal à une femme ? Alors, Carole ? Non, bah non, ça peut faire que du bien, sauf si elle meurt. Bon, c'est vrai, sauf si on te l'avale. Mm-hmm. Sauf si le mec a un appareil dentaire. Ça accroche le clito, ça fait mal. Hein. D'accord. Bon, c'est le clito derrière. Si c'est l'amour de ma vie, tu vas te calmer un petit peu, ma chérie. J'ai mal à la gorge, Gérard. D'accord. Je te donnerai du sirop de cordon vendredi à la loterie. Avec du sirop de cordon, t'inquiète pas, t'auras plus mal à la gorge. Donc, Elisa. Oui. Est-ce qu'on t'a déjà fait un cunilingus? Oui. Est-ce que t'as aimé ou pas? Oui. Donc Elisa, Lolita et Carole. Alors moi je vais vous demander une chose. C'est mon amour d'abord. Oui, mon amour de ma vie adoré. Ouais. Je t'adore. Je t'adore ma chérie. Gérard, c'est Maïva. Tu sais d'où je t'appelle? Non, juste pour un conseil. Je t'appelle au 143 avenue Charles de Gaulle. Eh ben, tu descends. Tu descends, alors, tu viens finir le débat à mes côtés. Et là, tu vois, il y a un truc génial. Je suis assise, un petit peu plus qu'assise sur Thierry. Et qu'est-ce que tu fais? D'accord. Eh ben, Maïva, tu te démerdes. C'est de t'avoir en face de moi à la télé. Maïva, pour l'instant, t'es en train de me prendre pour un con. Alors tu restes. Monte, viens nous voir. Je leur salue, Maïva. On est en train de faire l'amour et pas d'amour. Eh ben, tu te démerdes. Tu te démerdes avec lui. C'est pas Thierry, c'est pas Thierry. Il va te confirmer. Je continue mon débat. J'en ai rien à foutre. Je suis vraiment dans... J'en ai rien à foutre, tu te démerdes. Tu te démerdes, je finis mon débat et porte à la ligne. C'est incroyable. Eh ben, tu te démerdes avec elle. Faut que tu viennes m'aider, là. Non, ben, tu te démerdes. Ah non, faut que tu viennes, là. Non, tu te démerdes. Ah, ben, je sais plus, là, Gérard. Tu te démerdes. Mais comment il faut faire? Tu te démerdes. Si tu voyais Maëva, Tu te démerdes. Non, mais Gérard. Ah, j'adore ça. Tu te démerdes. Arrête, c'est pas possible, là. Bon, c'est pas possible. En de bon entendant, salut. Ah, conclusion. Maïva, arrête. Ah, conclusion du débat. Aïe. C'est pas possible. Plus fort. Oh. Le piège, putain. Mais continue. Non, mais continue. Conclusion. Oh, tu nous emmerdes à gueuler, hein. Bon, allez, en de bon entendant, salut. Alors, la conclusion, c'est que moi, je viens de prendre mon pied là-haut, c'est génial, quoi. Eh ben, c'est bien. Thierry, c'est vraiment un super coup. Merci, Thierry. Et si tu veux monter, Gérard, il n'y a pas de problème. Tu vas te faire foutre, j'aime pas les... Gérard, t'aimes pas les quoi? J'aime pas celles qui promettent des trucs et qui viennent pas. Salut Maïva. Voilà, c'était encore un résumé d'un des débats de Gérard. C'est pas terminé, hein. Il est 2h49. Voici tout de suite un remix. Vous la fermez et je vous propose encore deux résumés de débats. Un sur les tatous, hein. Comme ça, je mets la cerise sur le gâteau. Vous allez voir comme ça va hurler. Et ensuite, un débat pour conclure cette tenue 100% Gérard sur un débat qu'il avait voulu faire sur lui-même. Mais pour le moment, encore un remix Fun Radio exclusif Star System. Vous la fermez rien que pour vous et pour les amoureux de Gérard. Bonsoir à tous, bon, c'est le débat. Allô? Ça va? Je sais pas, j'ai pas regardé ce matin. J'ai décidé que maintenant, je vais être calme. Non. Maintenant, je préviens d'une chose. Les points sur les i et les barres sur les t, le premier ce soir, tu viens me faire chier lors du débat, ouais, va le casser. Non, non, mais tu vas pas commencer, ça va être clair. Toi, Tony, tu la fermes. Vous la fermez tous les deux. Bon, allez, c'est bon, allez, Tony, hein. Allez, hein. Tony, vous le direz. Question. Attends, t'es qui toi? Moi c'est Tony, moi je sais qui c'est Gérard. Eh ben Tony, bonne nuit. Là vous allez la fermer parce que là, c'est pas le thème du débat. Allô Gérard, allô. Ouais, qu'est-ce que t'as toi? Bah je te pose la question quoi. Attends, t'es qui toi? Pour l'instant c'est moi qui mène les débats. Question suivante, pour l'instant vous allez la fermer là. D'accord. Vous allez vous calmer maintenant. Non, mais sois premier à Marcel. Ouais. Tu as déjà commencé par être poli parce que je suis poli ce soir. Ok? Alors tu la fermes. Jean-Luc! Ta gueule. Jean-Luc! Oui, Gérard. Tu retournes chez toi et c'est bon. Oh, 6 minutes! Bon, oh! On commence le débat et on se calme. Auriez-vous oh, c'est bon. Bon, tu la fermes derrière, s'il te plaît. Auriez-vous envie d'avoir une relation bisexuelle? Oui, c'est Caramel, moi je veux répondre. Bon alors, Caramel, déjà, tu vas commencer par te calmer un petit peu. Manière, moi je t'emmerde, ok? C'est bon, je peux poser ma deuxième question. Mais Gérard, tu restes poli quand même. Oh, ah, c'est bon, toi, tu la fermes derrière, s'il te plaît. De toute façon, tu nous as dit que Christine, elle était bisexuelle. Alors, c'est qui vient de dire ça? Alors, là, bon, Philippe, tu reprends tous les mecs au standard, le premier. Tu demandes qui a dit Philippe et tu le vires. Allez, hop, tu me les vires. Je commence à en ras-le-bol de vos conneries. Yep. Alors, Francisca, je suis là. Vous commencez à me casser les couilles. Oh, vous envoyez les réels. Maintenant, vous me faites chier. Il est hors de question que je continue dans des conseils de travailler comme ça. Maintenant, c'est terminé. Je ne fais plus de débat pour jeudi. C'est terminé. Bon, c'est simple. C'est clair et net. Ça va aller vite. Je préviens à toute personne. Et là, je m'adresse à tout le monde. Donc je préviens toute personne. La prochaine fois que je reçois un courrier en me disant comme quoi qu'un remix est passé, ça se termine au tribunal. Je tenais à vous informer que je vous lance un ultimatum d'une semaine. Donc il est clair et net. Donc je préviens ce soir, si j'entends encore une fois entendre le mot Gérard, c'est simple, c'est clair et net, comme aller vite, j'arrête tout. Point final à la ligne. Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Pourquoi achetez-vous des tatous ou autres appareils? Bah Gérard, d'après toi, honnêtement d'après toi. Bah mais... Pour se faire joindre. Bah oui, bah d'ailleurs j'ai un numéro de tatou à donner. Ouais, moi aussi. Je crois que tout le monde le connaît. Ah ouais, moi aussi. Alors c'est le 06 01. Je sais pas, c'est bloqué. Ouais, c'est bloqué. Non. Attends, Patrick, tu peux répéter la jeune. Non, c'est bon. C'est pas Patrick. Tu peux donner le mien, c'est Caroline. Non. Personne donne ce numéro, ok? 01. Excusez-moi, Zéra. Coupe! Ouais, 06. 82. Plus tard. Alors, attention. C'est bon. Non, c'est bon. Je ne donnerai pas de quoi. C'est bon, c'est pas de toute façon. Excusez-moi, j'ai Monseigneur Gérard. Comment c'est Monseigneur Gérard, moi je t'emmerde. Y a pas de Monseigneur, ok? Question suivante. Gérard, enchaîne. Alors, à quoi cela vous sert? 81. Bah, ça c'est bon, celui qui vient de terminer. Celui qui vient de terminer. Bonne nuit. C'est peut-être le sien. Bonne nuit. Non, c'est mon numéro. Gérard, ta question, GG. Question suivante. Croyez-vous que pour votre boulot, c'est utile? Bah, bien sûr que c'est utile. Bien sûr. Pas te faire respecter, Gérard. T'es qu'un ignore, c'est tout. Ouais, toi, tu la fermes, d'accord? Tu vas aller catcher ailleurs. Ouais, bah, on Bon, toi, toi déjà, tu fermes ta gueule et après je verrai. Okay. Alors, répondez-vous au message que vous recevez, oui ou non? Léa, ouais, moi j'y réponds Léa, souvent parce que moi j'adore ça. Bah, t'as vous soir. Va, gueule! Non, on laisse parler, Léa! Ça dépend des messages. C'est-à-dire? Bah, c'est des messages d'amour. T'as vu ça, toi, moi, je suis chez moi, je me balade à poil. Vas-y. Eh ben, tu fais ce que tu veux, c'est toi, tu balades à poil, j'en ai rien à foutre. On va mettre une musique. On ferme la gueule. Allez, on lâche le numéro. Merci, Gérard. Eh ben, c'est bien, va dans ce que là, mon pote. Un petit coup. Hé. Ta gueule à toi! 57? Vous fermez vos gueules! 22! Bon. Pose la question. Pensez-vous que ceci a une grande importance pour passer le bac, comme il y a une étudiante là? Elle peut peut-être répondre? Non. Ouais. Moi j'ai passé le brevet, on m'en avait prêté un, j'ai eu mon brevet. Ça t'a aidé? Génial. Ah bah oui. Je ne me rappelais plus de la solution du théorème de Pythagore en fonction de qui est égal à R. Mais arrêtez, vous parlez trop compliqué pour ça. C'est dur pour lui, alors le théorème de Pythagore, faut pas déconner non plus. Non mais déjà, toi tu vas l'affirmer, c'est pas toi que je m'adresse, c'est celle qui parle, elle donne son nom s'il te plaît. Alors, voilà. Quelle couleur est l'être, Tatou? Noir. Ça te regarde pas. Il est noir, moi j'ai l'impression. Pourquoi tu peux pas le dire, c'est qui t'empêche de le dire? Culé, va. L'enculé, tu sais ce qu'il dit, il t'emmerde! Il t'emmerde, Ok, l'enculé, il t'emmerde! C'est qui t'a donné, ton Tatou? Allez, accouche sur la question, tu es officier, là! Parce que je t'aime le lundi. Je vais passer le mercredi, je vais jamais dans un bus. Hé, c'est moi qui pose les questions! Gérard! C'est moi qui pose les questions! Gérard! Dépêche-toi, être trou de balle! Ta gueule, toi, va te faire foutre! Eh oh, tu parles autrement à tes auditeurs, hein, Gérard! Mais attends, c'est pas professionnel! Tu n'es qu'un imbécile, Gérard! Me balade tout nu! Donc! Eh, les feux, je cours à poil! On fait la conclusion, on la ferme! Il est vraiment. Il est facile à résumer des débats de Gérard avant de se quitter, de vous retrouver bien sûr demain à partir de 22h avec toute l'équipe du Star System. Vous pensez avoir entendu le pire là avec le résumé des tatous, ça a gueulé, mais alors voici un résumé d'un débat que Gérard a voulu faire sur lui-même, donc un débat sur GG. Et plutôt que de sélectionner un résumé cohérent de ce débat, vu que ça ne l'était pas, c'était il y a 2-3 ans de ça, et ben on a mis juste les moments donnés où ça gueulait. Donc si vraiment vous n'aimez pas Gérard en train de crier, vous reculez, vous zappez, vous faites autre chose. Par contre, si vous êtes très friand d'engueulade et de GG, là voici le one man show de Gérard sur un débat sur lui-même, le résumé, et puis on vous retrouve demain à 22h, pour passer une bonne nuit avec Rousseau sur Fun Radio. Écoutez, attention, ça va hurler! On va accueillir donc les gens pour réagir au débat. Allô? Arnette, Allô, Gérard? Allô, Gérard? Allô, Gérard? Allô, Gérard? Vous la fermez! Bon, ça y est, vous la fermez! Non, mais vous la fermez. Vous la fermez. Vous la fermez. Comme d'hab. Grand Gérard. Stop. Regarde. On aime ton cul, Gérard. Oh, ça y est, vous la fermez. Vous la fermez. Alors, maintenant, la fermez. On la ferme. À tous les auditeurs de Fun Radio. À tous les auditeurs de Fun Radio. Est-ce que tout le monde numéro de Gérard est 0-6-87-80. Vous la fermez. On a dit que vous seriez ensemble, Gérard et Julie. Ouais, c'est vrai. Stop. Gérard, j'ai une question. Salut, Gérard. Pose la troisième question. Bon, Caramel, tu dégages. Gérard, Caramel, tu fermes ta gueule, tu dégages. Tu dégages. Je me dégagerai. Tu dégages. Non. Tu dégages. Non. C'est Gérard, tu dégages. Caramel, tu dégages. Bonne nuit. Gérard sans Adidas, c'est comme Julie avec des seins, c'est impossible. C'est qui où le serviteur? Stop! On va passer à la quatrième question. Stop! Ouais, pour l'instant, c'est pas toi qui commande, c'est moi, d'accord? C'est moi qui commande. Ta gueule! Je vais poser une question. Ta gueule! Chut! Tenez-vous, Gérard! T'as déjà tué la perne, c'est pas toi qui commande, ok? Gérard, c'est Carambar, je veux poser une question. Carambar, tu fermes ta gueule! Gérard, est-ce que Christine mettait de l'Adidas? Bon, alors, Carambar, tu dégages! Hop! Pensez-vous qu'il faudrait accorder plus de. Plus longtemps? C'est la gaffe, Gérard, c'est ça, c'est la gaffe. Ta gueule! Ta gueule! Comment imaginez-vous, Gérard? Là, tu as fermé ta gueule! Comment imaginez-vous, Gérard? Et maintenant, tu fermes ta gueule derrière! Bon, alors c'est bon! Ta gueule! Alors la question, c'est comment imaginez-vous, Gérard? Tu fermes ta gueule! Attends, Gérard, il veut me parler là! Je t'imagine, Star. Oh, tu te calmes derrière! Putain, laisse-moi parler! Ta gueule! Non! Vous voulez la fermer? Stop! Ma gueule! Mon grand minet! Alors, derrière, vous la fermez, vous laissez finir Mélodie! Merci Gérard! Reste calme Gérard! Alors, du coup, on s't'emmerde! Hop, tu dégages! Voilà, Polo! Polo! Putain, mais vous avez fermé votre gueule un peu! Tout s'explique! Reste calme Gérard! Non, c'est vrai, les mecs, vous abusez, laissez GG parler! Non, non, mais attends, déjà, toi, tu as fermé ta gueule! Ok. Hey, GG, je te défends. Tu vas fermer ta gueule. Gérard. Tu vas fermer ta gueule. Pensez-vous que Gérard devrait rester à la radio? Oui, oui. Alors maintenant, vous réfléchissez. Vous réfléchissez à la question. Moi, je suis déjà réfléchi. Stop. Question. Non, mais attends, Mélodie, tu m'énerves. Allez, hop. Mélodie, tu dégages. Gérard, c'est Paul. Ouais, ben Paul, pour l'instant, tu attends. Je réponds à la troisième question. Paul, tu la fermes. Tu laisses Sophia finir. S'il te plaît. Vous la fermez. Gérard. Gérard. Oh là là, vous allez vous la fermer derrière. Tu peux répéter la question? Non, mais attends, ouais. Là, vous foutez de ma gueule ou quoi, là? On va se toucher dessus. Alors, la question, c'est pas ça. Ta gueule, pour l'instant, je vais répondre à la question minutelle. Le mec qui s'amuse à dire ça, que je sors sur Point Sapo, il se met le doigt bien profond. 16 ans. Ah ouais, mais ça compte. Eh, attendez, une question. Stop! Les débats. Pas de radio et. Pas d'insultes. De Gérard.